Edwige, reine de Pologne, par la duchesse d'Abrantès. Première partie. 1367-1399. C'était le jour de la Saint-Jean. Une foule nombreuse remplissait la cathédrale de Bude, non seulement pour y assister à la solennité du jour, mais pour voir, pour la dernière fois, l'orgueil et l'amour de la Hongrie, que la volonté de son père exilait sur un trône étranger. Elle était bien jeune encore, cependant, cette personne tant aimée, pour exciter autant de regrets, motiver autant d'amour. Edwige n'avait pas 15 ans, mais sa gracieuse beauté, son âme pure, sa piété fervente, un esprit remarquable en tout temps, et qui à cette époque la plaçait au premier rang des êtres supérieurs, tant d'avantages réunis, l'avait fait adorer des peuples de son père. Mais sa destinée n'était pas de régner sur eux. Casimir le Grand, roi de Pologne, et le dernier roi de la race nationale des Piastes, mourut sans enfant, et laissa sa couronne à Louis d'Anjou, roi de Hongrie, son neveu. La Pologne était déjà ce qu'elle fut souvent depuis, un théâtre sanglant de discussions civiles, où se voyaient le vide et le désordre des finances, des intérêts personnels sans frein, une fatale désunion dans les familles, et le manque total des premiers moyens. Sans doute, à ce tableau, on peut en opposer un plus consolant et tout aussi vrai. Ce sont des ressources éternelles, puisées dans les vertus naturelles aux Polonais, une horreur profonde de l'esclavage et de la servitude, et cette force d'âme qui seule fait un héros. Mais le roi de Hongrie recula devant le poids d'une telle couronne. Sa main, déjà débile, n'osa soulever le sceptre polonais, car il comprit que ce sceptre devrait souvent n'être qu'un glaive pour obtenir raison de la noblesse, presque toujours en révolte, et qui ne voulait donner ni recevoir le repos. Louis d'Anjou voulait le sien. Il eut tort, sans doute. Un prince ne doit pas faire sa destinée. Il doit obéir à la voix de Dieu lorsqu'il lui confie celle d'un grand peuple. Et dut-il mourir sur un trône reposant que sur des périls? Il ne doit jamais donner lui-même l'exemple de la révolte envers son seigneur et roi. Le maître de toutes les têtes porte en couronne. Louis d'Anjou eut le tort de n'avoir pas cette pensée. Il oublia qu'il était roi de Pologne, et abandonna ce malheureux pays à ses troubles intérieurs et aux dangers dont le menaçaient ses ennemis naturels, le duc de Lituanie, Sigismond et Liémovite, pour ne s'occuper que de la Hongrie, où il régnait paisiblement. Cette coupable paresse dura pendant les 5 années qui s'écoulèrent entre sa mort et celle de Casimir le Grand. À sa dernière heure, à ce moment où le souverain se dépouille de son manteau royal pour revêtir le linceul qui le rend l'égal de tous, Louis d'Anjou fut contraint de s'avouer à lui-même qu'il avait un grand compte à régler avec ce monde avant de le quitter. Un peuple entier, un grand peuple, loyal, brave, généreux, s'était donné à lui par la volonté de son dernier roi mourant, et le don de tant de nobles créatures était demeuré sans reconnaissance. Cette vérité eût été terrible pour Louis de Hongrie, si le moyen de réparer sa faute, au moins dans l'avenir, n'eût été en sa puissance. Cette pensée s'offrit à lui comme un messager du Dieu de pardon au moment où son œil se reposa sur sa fille Edwige, priant au pied de son lit de mort. Elle était là, comme une belle sainte, les mains jointes, le regard baissé, la tête inclinée et tout environnée comme d'un nuage pieux, tandis qu'elle récitait tout bas de ferventes prières. À côté d'elle était un beau jeune homme à peine âgé de 20 ans. Comme Edwige, il priait à genoux. Comme elle aussi, il priait en pleurant. Ils étaient jeunes, tous deux, et la vue de la mort d'un père attaquait toutes les parties vulnérables de leur âme. Ce jeune homme qui priait et pleurait avec Edwige était presque un fils pour le roi de Hongrie. C'était le duc Guillaume d'Autriche, le fiancé devant Dieu et les hommes de sa fille Edwige. Elle marcha à peine que tous deux furent couchés dans le même berceau et les saintes fiançailles consacrèrent leur union. Depuis ce moment, le duc Guillaume et la princesse Edwige furent élevés ensemble et ne se quittèrent plus. Mais à mesure que les années ajoutaient à la raison du jeune homme, elle développait aussi les grâces et la beauté d'Edwige. Alors Guillaume sentit que s'il n'eût pas été le fiancé d'Edwige, le but de sa vie eût été de le devenir. Bientôt il aima sa fiancée de toute la puissance d'une âme naturellement passionnée, et son amour redoubla de force lorsqu'il eut la certitude que lui aussi était aimé comme il aimait. C'était donc un fils que le mourant roi de Hongrie voyait prier pour lui à côté de sa fille. Il pouvait réparer le passé par un avenir d'espérance. Donner Edwige pour reine à la Pologne, c'était plus qu'une espérance même, c'était une certitude de bonheur. Lui donner un roi comme Guillaume, c'était en même temps assurer et la gloire et la sûreté du pays. Louis nomma donc son héritière pour la couronne de Pologne, sa fille Edwige, et mourut en paix avec lui-même et avec Dieu, l'an de grâce 1382, 5 ans après son oncle Casimir le Grand. La reine Élisabeth, veuve du roi Louis, demeura régente et chargée d'exécuter les dernières volontés du roi son mari. Le sort de ses filles était fixé. Edwige devait épouser Guillaume d'Autriche, et Marie, l'aînée des deux princesses, était promise à Sigismond de Luxembourg, marquis de Brandebourg, qui depuis fut roi de Bohême et fut empereur. Hélas, l'avenir de Marie était marqué d'un sceau funeste. Depuis l'enfance, elle aussi avait été fiancée à Sigismond. Elle espérait le bonheur comme sa sœur, et l'infortunée ne trouva au bout de sa course de jeune fille que le désespoir, l'infidélité et l'assassinat. Élisabeth n'était qu'une faible femme. Lorsqu'il fallut se séparer de sa fille, de son enfant bien-aimé, pour la livrer à des soins inconnus, son âme faiblit, et les demandes réitérées de la Pologne demeurèrent sans réponse, toutes les fois que les ambassadeurs sollicitaient au nom de la nation l'arrivée de la reine dans sa nouvelle patrie. Edwige elle-même redoutait ce départ. Le nom de la Pologne prononcé devant elle la faisait tressaillir, et elle demandait chaque matin à Dieu la force de s'arracher de la Hongrie, et chaque jour elle avait moins de courage. Enfin, une dernière ambassade partit de Cracovie pour Bude. Les affaires prenaient une couleur fâcheuse en Pologne. Rebutés par les délais répétés qu'on apportait à l'arrivée de leur jeune souveraine, les Polonais se partageaient déjà en plusieurs factions. Sigismond de Luxembourg, beau-frère d'Edwige, se présenta lui-même comme prétendant à la couronne. Liemowit, duc de Massavik, fut même élu roi par une diète de petite noblesse. Mais la majorité du pays était pour Edwige. Seulement, il fallait qu'elle prît possession d'une couronne trop longtemps dédaignée en apparence. Lorsque cette dernière ambassade arriva à Bude, Edwige comprit que pour cette fois, elle n'obtiendrait aucun délai. Son désespoir fut sans mesure. Des pressentiments sinistres ne lui montraient qu'un avenir malheureux. Elle se jeta dans les bras de sa mère en pleurant avec sanglots. « Ma mère, lui criait-elle, ma mère, ne repoussez pas votre enfant. Ne m'exilez pas dans cet autre pays. Gardez-moi près de vous. Je resterai avec Guillaume. Vous aurez vos enfants près de vous. N'est-ce pas, Guillaume, que vous le voulez aussi ?» Et la séduisante créature souriait à son amant au travers de ses larmes en lui donnant une de ses mains, tandis que l'autre, passée autour du cou de sa mère, la rapprochait d'elle en l'embrassant. Guillaume ne lui répondait pas, mais ses yeux attachés sur elle avec une expression déchirante étaient plus éloquents que des mots pour celle qu'il aimait. Mais elle voulait entendre sa voix. « Ma mère, dit-elle à la reine, pourquoi Guillaume ne me répond-il pas ?»« Eh, que puis-je vous dire ? » répondit enfin le jeune homme, « que vous ne sachiez comme moi. Vous partez. Vous quittez la Hongrie pour aller subir la volonté d'un conseil qui sera votre maître. On voudra choisir votre époux. Et vous voulez que je vous parle, Edwige ? Vous le voyez bien, je n'ai rien à vous dire. » Edwige ne parut pas émue des paroles de Guillaume. Elle se tourna vers lui et, souriant avec tout le charme d'un cœur plein d'amour qui veut rassurer, elle lui dit « Mais mon ami, vous avez une crainte insensée. Que vous souffriez de me voir partir, je le conçois. Je souffre bien aussi, moi. Mais que vous vous laissiez aller jusqu'à craindre une chose impossible, voilà ce que je ne veux pas. Me choisir un autre époux. Mais est-ce que cela se peut? Ne sommes-nous pas unis devant notre Sainte Mère l'Église? N'avons-nous pas reposé sur le même chevet? C'est impossible, vous le voyez bien. Et puis, Guillaume, si la Pologne voulait mettre sa couronne à prix, et surtout un tel prix, je lui ferais voir qu'une jeune fille peut préférer le bonheur du cœur à celui du trône. Et ce ne serait pas un sacrifice, voyez-vous? Je suis si heureuse comme je suis maintenant. Quel bonheur peut me faire sourire? Pourquoi même laisser supposer que je puis être plus heureuse, Guillaume? Oh oui, c'est cela. Si je refusais dès à présent la couronne de Pologne, mais... » Et toute rouge, toute palpitante, elle se pencha sur sa mère et lui dit bien bas « Je rendrai bien cette couronne, mais Guillaume, il faut qu'il règne, lui. Il fera un si grand roi. » « Mes enfants, dit la bonne reine, vous êtes tous deux bien déraisonnables. Mais vous vous aimez. Cela explique tout. Pauvre Edwige, poursuivit-elle en passant une main caressante sur sa belle chevelure relevée en nattes le long de ses joues et sur le sommet de sa tête. Pauvre Edwige. Tu crois que la chaîne qui attache les rois au trône est facile à briser? Pauvre enfant, il faut une autre main que la main de jeune fille pour rompre un tel lien. La volonté de ton père mourant t'a donné à la Pologne. Tu dois obéir. Mais pourquoi craindre? Pourquoi redouter un malheur qui est impossible, comme vous le dit Edwige, Guillaume? Il faut qu'elle parte. Il faut que la reine de Pologne aille se faire connaître à ses peuples. Mes enfants, ne pleurez pas ainsi, disait la bonne reine en les serrant tous deux dans ses bras, pour apaiser la violence de leur douleur. Croyez-vous donc que je ne souffre pas aussi de me séparer de ma fille bien-aimée? Hélas, une voix me crie dans l'âme que je ne la reverrai plus. Edwige aimait sa mère avec une tendresse profonde, et son amour pour son fiancé avait cette force de passion qu'une âme aimante comme la sienne devait apporter dans une semblable affection. Mais quelque dominée qu'elle fût par cette même tendresse et cette même passion, tout demeura muet devant le mot « devoir », aussitôt que sa mère eut évoqué l'ombre de son père venant lui renouveler sa dernière volonté. « Je partirai, » dit la courageuse enfant. « Mais je ne serai pas longtemps séparée de toi, Guillaume. Tu peux te reposer sur moi du soin d'abréger notre mutuel exil. » Aussitôt que la résolution de Edwige fut arrêtée, le conseil de la reine de Hongrie en prévint les ambassadeurs de Pologne, et tout se disposa pour le départ de leur jeune souveraine. En apprenant qu'elle allait enfin les quitter, les habitants de Bude furent affligés comme si un malheur personnel eût frappé chaque famille. La bonté active, la charité, la continuelle surveillance de la jeune princesse furent alors connues dans tout leur éclat, et ce fut par les larmes dont les malheureux habitants de Bude baignèrent son passage lorsqu'elle les quitta que les nouveaux sujets comprirent la valeur du trésor qu'ils enlevaient à la Hongrie. Les adieux furent déchirants. « Monsieur le cardinal, » dit Élisabeth au cardinal de Strigonie, chargé de conduire Edwige à Cracovie, « je vous confie la moitié de ma vie. » Edwige reçut à genoux la bénédiction maternelle. Ses larmes coulèrent en silence sur les mains de la reine, mais ce fut la dernière marque de faiblesse qu'elle donna, et lorsqu'elle se releva, la trace de ses larmes était le seul indice qui révélait une âme brisée, mais cette âme était grande et forte. Lorsque la nouvelle de son arrivée se répandit en Pologne, la joie fut universelle, on ne l'espérait plus, et sa venue fut regardée comme un bienfait du ciel. Les prélats et les premiers seigneurs de la Pologne quittèrent Cracovie et furent au-devant d'elle pour lui faire rendre plus d'honneur que jamais souverain n'en avait reçu en Pologne. Les chemins étaient couverts de peuples accourant de l'intérieur des terres pour voir cette jeune fille si belle, si charmante, souriant à tous sous sa lourde couronne, de même qu'elle l'eût fait folle et joyeuse sous un chapeau de fleurs. L'enchantement fut complet. Tous les cœurs lui furent soumis. Les hommes des champs et des bois, ceux des villes et de la cour, tout ce qui put l'approcher et la voir seulement, s'en retournaient satisfaits d'avoir vu la belle jeune reine. Mais lorsqu'on lui parlait, lorsqu'on entendait une voix harmonieuse dire des paroles de grâce et de bonté, alors l'insensibilité elle-même tombait à ses pieds. On l'aimait en la voyant, on l'adorait quand on l'entendait. La puissance du charme qu'elle exerça d'abord sur la nation polonaise fut surtout visible au moment de son couronnement. L'enthousiasme fut si général et si spontané que la Pologne entière, par ses représentants, manifesta le désir de n'avoir qu'elle pour reine. Aucune condition ne lui fut donc imposée, et le 15 octobre de l'an 1385, jour de Sainte Edwige, fête solennelle de sa patronne, la reine se fit couronner dans la cathédrale de Cracovie avec toute la pompe et la magnificence que l'époque permettait. Cette cérémonie fut d'autant plus remarquable, dit un chroniqueur du temps, que la beauté de la jeune souveraine, à nul autre pareil, cette merveilleuse beauté dont la nature lui avait fait don, n'excluait pas une majesté imposante et digne qui imprimait d'abord le respect. On voyait en elle non seulement la descendante de son monarque, mais aussi la femme d'une nature supérieure. Edwige, aussitôt après son couronnement, s'occupa avec son conseil de ce qui pouvait adoucir les maux dont le royaume était accablé. La Pologne, à cette époque, avait au-dedans d'elle-même un germe vicieux qu'il eût fallu combattre dès lors avec des armes plus fortes que celles d'une volonté déterminée, quelque vigoureuse que soit une telle détermination. La Pologne, au temps de Edwige, était régie par une constitution tout autre que celle que nous voyons aujourd'hui. Le pouvoir y était absolu en apparence, et la royauté héréditaire de fait. Alors, ces assemblées générales où se rendait cette multitude de gentilshommes à cheval, armés, et venant exercer dans un camp une puissance législative. Ces assemblées, les diètes, comme on voudra les appeler, étaient fort rares, et les diètes par députés n'avaient pas lieu. Ceci est important à savoir pour ceux qui suivent avec attention les révolutions de la Pologne. La liberté des Polonais n'a pas eu chez eux de première époque. bien avant que leur nom fût connu dans l'histoire des nations, ils possédaient ce bien sans lequel l'homme ne peut jouir d'aucun autre. Ils ont toujours été libres, enfin. Les monuments sont rares en Pologne. Un seul existe encore et montre ce que la nation polonaise était, à une époque à laquelle nous ne lui supposons pas même une existence. Ce monument est un fossé qui marque la limite de l'Empire romain et que ce géant envahisseur creusa lorsqu'il pénétra jusqu'au travers des steppes du Nord. Ce qui forma dans l'origine le premier noyau de la nation polonaise ou slave ne fut donc jamais subjugué, même par les Romains, ainsi que l'indique ce fossé. Il est remarqué que dans les provinces wascongades, cette partie de l'Espagne dans laquelle Don Carlos se défendait et attaquait dans le commencement de la guerre, il est à remarquer, dis-je, que ce peuple fait partie des anciens Cantabres, de ces hommes de fer que les Romains eux-mêmes ne purent jamais non seulement réduire, mais vaincre une seule fois, ni les atteindre sur leurs rochers. Ainsi, les Polonais au nord, les Cantabres au midi, voilà où la puissance humaine a trouvé son écueil, tant il est vrai que la force trouve toujours un terme. Et l'exemple nous démontre que si la résistance était quelquefois mieux opposée, l'attaque aurait moins d'avantages. Le vainqueur, souvent, doit sa victoire à l'inhabilité du vaincu, plus qu'à sa propre science. Si les Polonais et les Cantabres fussent remontés chacun de leur côté dans les plaines de la Toscane ou de la Gaule, les phalanges romaines auraient eu plus souvent alors le sort des légions de Varus. Cette liberté, cet amour d'indépendance plutôt, car on peut, je crois, en faire la différence, a porté la Pologne, depuis ses temps reculés jusqu'à nos jours, a donné même à ses soulèvements une forme légale. À cette époque où la monarchie existait en Pologne, puisque la couronne était presque héréditaire, il ne regardait pas du tout la guerre civile comme le plus grand fléau dont la colère de Dieu puisse affliger un pays. « Soyez errants, brûlez vos maisons, ne dormez plus sous un toit, souffrez tous les maux, plutôt que de vous soumettre au pouvoir arbitraire. » Telle était déjà, dans les temps reculés, l'horreur de cette noble nation pour l'oppression et une tyrannie injustement établie. Edwige connaissait, par les relations qui parvenaient en Hongrie, l'état intérieur de la Pologne. La prudence remarquable de son esprit lui indiquait une marche à suivre pour adoucir et même dompter l'humeur trop belliqueuse et querelleuse de la noblesse polonaise. Elle avait déjà fait part de son plan à quelques seigneurs polonais qui comprenaient ses hautes pensées. Elle voulait tourner cette ardeur de combat vers un but plus utile au pays. Elle voulait opposer une armée sans cesse surveillante et prête à combattre au duc de Lituanie, le fameux Jagellon. Elle allait poursuivre son dessein et, pour l'accomplir, mander près d'elle son fiancé et donner enfin un maître à la Pologne lorsque la nouvelle la plus terrible pour elle lui fut communiquée. Elle dut l'écouter comme faisant le bonheur de la Pologne. Cette nouvelle était l'annonce d'une ambassade solennelle de Jagellon, grand-duc de Lituanie, envoyé à la reine Edwige pour lui communiquer des choses de grave et haute importance. « Que veut-il ? » demanda la reine en pâlissant. « Qu'est-ce que ce barbare veut demander ou donner à des chrétiens ?» Et ses regards troublés osaient à peine fixer celui qui interrogeait. C'était le vice-chambellan de Cracovie, homme tout dévoué en apparence à la reine et aux siens. Il ne parut pas vouloir répondre d'abord à la demande de la reine, mais comme elle le pressait, il lui avoua que le motif de l'ambassade était connu et que le chef des ambassadeurs était Skirgiello, frère du grand-duc lui-même. « Eh bien, » dit Edwige, « poursuivez. »« Eh bien, madame, il vient demander votre main pour son frère. » Edwige devint pâle comme la mort. « Ma main, cet homme, mais il est insensé. Il ne sait donc pas que je suis mariée. » Et de sa douce voix, elle tâchait de prononcer fortement cette parole pour lui donner plus d'importance. Gniewoz sourit sans répondre. Son silence était éloquent. Edwige le comprit, sa fierté s'en irrita. « Je suis fiancée solennellement à Guillaume, duc d'Autriche, » répéta-t-elle avec la même force, « et je ne lui serai parjure pour aucune considération. » « Mais vous devez voir l'ambassadeur, madame, vous le devez. » Et il appuya sur ce mot « vous le devez », parce qu'avec le titre et la prétendue volonté libre du roi ou de la reine, le pouvoir royal était entravé sans cesse par l'autorité des seigneurs polonais, comme nous allons le voir plus loin. Edwige reçut l'ambassade de Jagellon assise sur son trône, entourée de sa cour et dans tout le luxe de sa merveilleuse beauté, et d'une magnificence que le bon goût de la femme doublait dans le plus petit détail. Skirgiello fut ébloui. Il demeura quelques moments devant cette reine de 15 ans, dont la majestueuse attitude recevait un contraste frappant de sa beauté toute gracieuse. Skirgiello s'inclina par 3 fois devant le trône de cette souveraine qu'il venait demander pour sœur. « Reine, lui dit-il. Il y a longtemps que le grand prince, des rois même, ont sollicité notre puissant souverain d'embrasser la foi du Christ. C'est pour parvenir à ce but que les chevaliers teutoniques lui font la guerre. Il s'est toujours refusé à la persuasion et a résisté, l'arme à la main, lorsque la force a voulu l'y contraindre. Ce que la force n'a pu faire, ce que la persuasion n'a pu opérer, la vue de votre portrait l'a accompli. C'est à vous, noble reine, que l'œuvre de la conversion de tout un peuple est réservée. Dites un mot, que ce mot soit un consentement, et 10 millions d'habitants chanteront aussitôt les louanges de votre Dieu. Acceptez pour époux le grand Jaglon. Il vous sera un noble et sûr appui. Son épée n'est pas vierge dans le fourreau. Elle connaît le chemin du cœur d'un ennemi. Les vôtres seront les siens, madame. Mon noble frère et seigneur s'engage en outre à rendre tous les captifs chrétiens qu'il a faits dans ses guerres contre la Pologne et ses alliés. Il donnera à votre royaume toutes ses terres de Lituanie, la Samogitie et tout ce qu'il possède à titre de souverain. Il promet aussi de reprendre, pour la Pologne, la Poméranie, la Silésie et les autres provinces dont on l'avait dépossédé. De plus, ici l'ambassadeur, quelque assurance qu'il eût montrée jusque-là, parut embarrassé. Cependant, il reprit. Mon noble seigneur et frère s'engage aussi à rendre au duc Guillaume d'Autriche les 200 000 florins qu'il a reçus pour art de son union avec vous. En entendant ces derniers mots, Edwige pâlit et ne put répondre que par quelques sons inarticulés et confus, parmi lesquels on put néanmoins distinguer qu'elle consulterait son conseil. C'était plus que n'osait espérer l'ambassadeur. Il savait que les seigneurs polonais voulaient non seulement l'union lituanienne, mais rejetaient celle du duc d'Autriche. Edwige, pâle et tremblante, congédia l'ambassadeur et se retira dans ses appartements intérieurs sans même daigner regarder les superbes présents offerts par le grand-duc de Lituanie. À peine Edwige fut-elle seule que sa douleur, trop longtemps contenue, éclata avec violence. Elle rejeta loin d'elle ses ornements royaux, preuve de son esclavage, et qui, même loin de cette cour qui tout à l'heure semblait, en l'adorant, lui prescrire son devoir, lui disait « Tu ne t'appartiens plus ». « Oh !» s'écriait-elle en pleurant avec sanglots. « Le voilà donc réalisé, ce pressentiment sinistre qui troublait Guillaume au moment de la séparation. Pauvre ami, tu avais raison de craindre. Il me fallait demeurer à Bude. Oh, cette Pologne! Et quoi? Faudrait-il donc me laisser sacrifier sans élever la voix? Oh, ma mère, ma mère! Et je suis ici seul et sans conseil. Mais Guillaume compte sur moi. Je dois être forte pour tous deux, et je le serai. » Mais cette force qu'elle invoquait au moment du danger lui refusait son secours. Elle n'était plus qu'une femme faible et maîtrisée par l'amour, et ne pouvait que pleurer lorsqu'il fallait agir. C'était des actions qu'il fallait, et non pas des larmes, car ses ennemis agissaient pendant qu'elle pleurait. Elle le savait, et cette pensée la troublait encore. À genoux devant son prie-Dieu, à moitié revêtue de ses vêtements royaux, dont le brocart brodé de pierreries est également couvert de ses larmes qui roulent silencieusement sur ses joues pâles, Edwige prie Dieu avec ferveur de l'éclairer sur ce qu'elle doit faire dans ce pressant danger. Hélas, la prière elle-même ne lui offrait aucun secours. N'était-ce pas au nom de Dieu qu'on venait lui demander de renoncer au bonheur? N'était-ce pas au nom de celui qui a tout souffert pour nous? Pouvait-elle lui demander de lui épargner une douleur? Tout à coup, une pensée traverse son esprit. Cette pensée, c'est peut-être son salut. Oui, oh mon Dieu, s'écrie-t-elle en se précipitant à genoux, je vous remercie. Et je vous avais méconnu. Edwige se relève et appelle une de ses filles. L'activité remplace l'inertie douloureuse qui l'accablait tout à l'heure. Elle sent d'ailleurs qu'il faut agir, et dans l'instant. « Thérèse » dit-elle à la jeune fille stupéfaite à la vue de l'état où elle trouve sa maîtresse. « Thérèse, tu m'es dévouée et je puis compter sur toi. » La jeune Hongroise s'inclina sur la main de sa maîtresse et la serra sur son cœur après l'avoir pressée de ses lèvres. « Oui, tu m'es fidèle, toi, ma compatriote. Tu n'es pas de ce peuple qui me demande mon bonheur pour prix du sien. » Thérèse regarda sa maîtresse. « Oui, ma fille, il me demande de renoncer à Guillaume, moi, renoncer à mon fiancé, mon mari, car il est mon mari, n'est-ce pas, Thérèse ?»« Monseigneur, » s'écria la jeune fille, « et madame, qui peut donc en douter ?»« Oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est bien mon mari? Mon Dieu, vous le savez, puisque nous sommes fiancés devant vous. Eh bien, Thérèse, ils veulent me marier à un autre, à ce païen de Jaglon. Il se fera chrétien, disent-ils, que m'importe à moi, il ne l'est pas, et mon Guillaume est pieux comme un ange, et beau comme lui. » Les sanglots l'étouffaient. En ce moment, la reine de Pologne n'était plus qu'une fille de 15 ans, dont le cœur et l'âme de flamme n'avaient qu'un sentiment pour un seul amour. Elle aimait comme on respire pour exister. Et c'était à cette fille dévouée à sa passion qu'on venait demander de se sacrifier pour une cause politique. « Thérèse, » poursuivit-elle en rejetant par un mouvement brusque et pourtant gracieux les tresses mêlées de perles et de diamants qui voilaient ses yeux. « Il faut que ton frère Albert parte à l'heure même pour Bude et qu'il remette cette lettre au duc Guillaume, qu'il parte à l'instant. Voilà de l'or, beaucoup d'or. Tiens, voilà aussi un ordre pour qu'on lui donne le meilleur cheval de mes écuries et un autre ordre pour que sur la route il n'en manque jamais. Pars donc, malheureux enfant, bas, et dis à Albert qu'il descende à Bude directement chez le duc Guillaume. Qu'il remette cette lettre et me rapporte une réponse. Va donc, cours !» « Thérèse, comment ne comprends-tu pas que c'est pour moi une question de vie et de mort ?»« Oui, » se dit-elle, après que la jeune fille se fut éloignée en courant. « C'était le seul parti que j'avais à prendre, le seul moyen de sortir de cet état d'horrible incertitude. Guillaume, une fois près de moi, je suis sauvée. » Les jours s'écoulèrent dans une attente qui, pour Edwige, était une douleur incessante qui la tuait. La malheureuse enfant comptait plus que les jours, elle comptait les heures. Un soir, elle était dans une chambre intérieure de son appartement qui donnait sur un jardin réservé pour l'usage particulier de sa promenade et semblait plus triste encore que de coutume. En effet, le silence qu'avait gardé Albert était inquiétant. La reine, au lieu de se rassurer, se créait de nouvelles inquiétudes. Elle fuyait les personnes les plus habituées de sa cour pour venir pleurer en liberté dans cette chambre retirée, ou du moins elle trouvait le repos et le silence. Elle pleurait ce même soir, avec une douleur qui était voisine du désespoir, lorsque Thérèse, de la chambre voisine qui était la sienne, s'écria « Voilà mon frère !» Edwige se leva aussitôt et courut au-devant d'Albert. En arrivant à la porte de sa chambre, elle se trouva vis-à-vis un homme d'une taille élégante enveloppé d'un manteau qui la reçut dans ses bras et la pressa fortement sur son cœur. « Guillaume » s'écrit-elle, et dans l'ivresse de sa joie, elle ne peut contenir les mouvements de son âme vive et passionnée. Elle se jette de nouveau dans les bras de son fiancé en lui disant tout ce qu'elle a souffert et son bonheur de le revoir. Car c'est bien lui, c'est bien Guillaume, c'est bien son ami, son seul, son unique ami. Elle répète 1000 fois cette parole pour que cette certitude enveloppe le cœur de celui qu'elle aime et qu'aucune inquiétude ne trouble ce moment si heureux pour tous deux. Guillaume, c'est donc toi, mon ami, déjà toi. Et je n'attendais qu'Albert. Comment donc es-tu venu si vite ? Vous attendiez Albert, et vous êtes étonné de me voir, Edwige. Comment tu es étonné que je fasse ce qu'Albert aurait fait? Pouvais-tu croire, mon Edwige, que je laisserais une heure entre la possibilité de mon départ et ce départ lui-même? Oh, que je suis heureux de me retrouver là, près de toi. Laisse-moi te regarder, mon amour. Laisse-moi voir si tu es toujours aussi belle. Oui, toujours. Et pourtant, tu m'es demeuré fidèle. Quelle demande! Ah, si cet homme ne m'eût parlé que de ses couronnes et de ses provinces! S'il ne m'eût pas montré la puissance de Dieu en place de la sienne, ma réponse à son frère eût été aussitôt un non. Mais le conseil... Quoi ? Dit Guillaume en tremblant. Avez-vous donc eu la cruauté de me laisser venir pour être témoin de vos noces ? N'êtes-vous pas résolu à le refuser ? Guillaume, qui parle de consentement ? Je te dis seulement que le conseil est fort en Pologne et qu'il parle haut quand il parle au nom de Dieu. De Dieu ! Mais c'est un nom devant lequel tu t'inclines aussi comme moi, mon Guillaume. N'est-ce pas devant lui que nous fûmes unis? Prends espoir, ami. Maintenant que tu es près de moi, je ne crains plus de malheur. Espère comme moi, et ce soir, nous pensons qu'au bonheur d'être réunis. » Ils passèrent ainsi plusieurs heures dans cette douce extase que l'amour seul connaît, que l'amour seul peut faire naître. Leur bonheur était une joie du ciel. Lorsque le soir eut rendu tout sombre autour de l'appartement royal, Edwige consentit enfin à se séparer de Guillaume, car ses traits et sa noble tournure ne pouvaient demeurer inconnus. Cependant, la reine ne voyait aucune facilité pour le faire sortir du palais. Un moyen s'offrit à elle, et aussitôt elle le saisit. Elle fit demander le vice-chambellan de Cracovie. Il vint au même instant. « Gniewoz, dit la reine, extrêmement troublée de la démarche qu'elle faisait, « voici qui doit vous prouver ma confiance, plus que toutes mes paroles. Je vous confie le duc d'Autriche. » C'est en votre garde que je le mets. Puis-je compter sur vous? Répondez-moi avec la même franchise que je mets à vous parler. Vous le voyez, poursuivit-elle d'une voix tremblante d'émotion. C'est un trésor que je vous confie. C'est plus que ma vie, c'est le duc Guillaume. Gniévos fit un mouvement qui pouvait passer pour de la surprise, mais qui n'en était pas. La reine était entourée d'espions, et depuis une heure le vice-chambellan de Cracovie savait l'arrivée du duc Guillaume. Il s'inclina avec respect devant le duc, comme si déjà il eût été son roi. « Que me commandez-vous, madame, de recevoir monseigneur chez moi? Mon palais est à ses ordres. » La reine fut touchée jusqu'au cœur de cette apparente bienveillance et de ce dévouement. Elle tendit sa main au vice-chambellan qui la baisa un genou en terre. Edwige le releva en lui disant qu'elle comptait désormais sur lui comme sur un ami dévoué. « Mais qu'allons-nous faire ? Si vous voulez suivre mon conseil, madame, il faut que monseigneur prenne son logement au couvent des franciscains. Cette retraite est convenable et honorable. Et puis, madame, vous pourrez aller l'y rejoindre lorsque vous voudrez parler de vos affaires en liberté. Tandis qu'il serait plus convenable... « Je vous comprends, » interrompit la reine, « et je vous remercie de votre avis. Oui, le couvent des franciscains, cependant... » Et elle regardait Guillaume avec la sollicitude d'une maîtresse et la tendresse inquiète d'une sœur. Il lui était pénible de se séparer de lui. Elle craignait un malheur. Guillaume s'approcha d'elle et lui parla quelque temps à voix basse. Elle lui répondit de même, et s'approchant du vice-chambellan, elle lui demanda si le prince pouvait déposer ses trésors chez lui. Ses trésors étaient très nombreux, car Guillaume n'avait voulu négliger aucun moyen de réussir. En écoutant la reine, Gniévos parut hésiter d'abord, puis ensuite il lui assura qu'il était à ses ordres ainsi que toute sa maison, et se chargeant dès ce moment de tout ce que le prince pouvait souhaiter, il fut son chambellan même, sans un nouvel ordre de la reine. L'arrivée du duc d'Autriche fit une grande sensation dans Cracovie. La reine put voir alors combien était peu forte cette puissance qu'elle avait jugée si magique. Tout pâlissait devant l'intérêt personnel, et dans la lutte qui s'engageait, il n'y avait rien à espérer pour sa cause si la séduction n'était pas la voie la plus forte. Les scènes les plus honteuses se passaient sous ses yeux avec la plus rare impudence. Chez plusieurs de ces hommes qui l'entouraient, c'était avidité de place et de pouvoir. Chez d'autres, c'était l'appât des trésors rapportés par Guillaume et dont l'existence avait été révélée par Gniévos. Quelques jeunes cœurs seulement, bons et loyaux comme on l'est ordinairement au matin de la vie, ignoraient ces lâches menées. Hélas! Cela aussi voulait une récompense. Les yeux d'Edwige pouvaient seuls la donner. Mais, depuis l'arrivée de Guillaume, elle n'avait pas même un sourire pour cette cour d'esclaves qui attendait un seul regard, et cela comprenait qu'il ne leur restait aucun espoir depuis cette arrivée. Comment combattre un tel pouvoir? C'était cependant dans cette jeunesse qu'Edwige comptait ses défenseurs et les amis de Guillaume. C'était au moment du péril qu'il serait nécessaire de les rassembler, et ce moment était peut-être celui qui allait suivre. Le duc d'Autriche était entouré de périls, et de périls bien difficiles à conjurer. À la tête du parti lituanien était un homme influent et puissant en Pologne. Cet homme était Doboslas, castellan de Cracovie. Il n'aimait pas Edwige. Jamais la grâce de la jeune souveraine ne l'avait fait sourire. Jamais sa voix n'avait adouci son humeur naturellement farouche. Ce qu'il reprochait surtout à Edwige, c'était le retard qu'elle avait mis à venir prendre possession de sa couronne. Est-ce donc qu'elle nous dédaignait, disait-il, que ne restait-elle alors dans sa Hongrie, avec ce fiancé auquel elle voudrait sacrifier non seulement le salut de tout un peuple, mais la gloire de la Pologne, si l'on en croyait? Et Doboslas jetait alors sur la douce jeune fille un regard qui souvent la faisait tressaillir, quoiqu'elle fût bien loin de soupçonner cet homme de la haïr. Que lui avait-elle fait? Il faut avoir offensé pour croire à la haine, et Edwige était si parfaitement bonne. Lorsque l'ambassade de Jagellon arriva à Cracovie, le castellan se prononça ouvertement pour l'acceptation et pour que la reine se décida immédiatement à rompre avec le duc d'Autriche afin de donner au grand-duc de Lituanie une sorte de réparation dans le cas où la parole royale ne serait pas une réponse à ses généreuses propositions. Tels furent les mots que Doboslas prononça dans le conseil le lendemain de l'arrivée de Skirgiello, ambassadeur de son frère, le grand-duc de Lituanie. De ce moment, Edwige fut presque captive. Elle se vit engagée dans une lutte où l'avantage lui demeurait bien quelquefois, mais au plus souvent il était dans le camp ennemi. Doboslas était castellan de Cracovie. Cette position lui donnait un avantage sur la reine dont il profitait avec une sorte de joie pour mettre des entraves à ses entrevues avec le prince. Edwige avait trop le sentiment de sa dignité pour ne pas sentir tout ce qu'une semblable guerre avait de peu convenable pour elle. Pour l'éviter autant que cela lui était possible, elle engagea Guillaume à monter moins souvent au château de Cracovie où elle demeurait. Elle descendait dans la ville accompagnée de quelques-unes de ses filles d'honneur et de ses chevaliers. Elle allait avec cette suite fort convenable recevoir la bénédiction et entendre l'office de soir dans l'église des franciscains. Après la bénédiction, la reine faisait une visite au père gardien et conversait avec lui jusqu'au moment de sa collation qu'elle faisait apporter au monastère où elle la partageait avec le duc d'Autriche et les pères dignitaires du couvent. Elle se promenait ensuite dans le jardin du monastère et si le temps ne le permettait pas, alors elle se tenait dans le réfectoire des frères et chantait ou bien dansait avec les filles et les officiers de sa maison. Guillaume retrouvait dans ces moments les joies de leurs jeunes années lorsqu'à Bude, il jouissait de la vie sans une crainte de l'avenir. Mais il n'en était pas ainsi à Cracovie. Au milieu de la sécurité la plus complète, Edwige reçut la nouvelle que Jaglon avait envoyé une ambassade solennelle à Bude pour demander, au nom de Dieu et de la chrétienté, le consentement d'Élisabeth. Faire un appel au nom de Dieu et de la chrétienté était un moyen presque certain pour réussir auprès de la reine de Hongrie, faible et superstitieuse, entourée de prêtres qui redoublaient l'infirmité de sa nature. Elle ne vit dans le parjure qu'on lui demandait qu'une action agréable à Dieu. Ce fut en vain que sa fille lui écrivit en lui demandant une seconde fois la vie, la suppliant d'avoir pitié d'elle. Et puis, répétait la pauvre enfant, « Je suis fiancée avec Guillaume. Nous avons reposé dans la même couche, nous sommes époux. C'est donc un adultère qu'on me commande. » « La République chrétienne demande cette union, » disait Jaglon. « Le lendemain de mes noces, 10 millions d'âmes reconnaissent la foi du Christ. » Ce mot perdit Edwige. Jaglon avait pour elle un sentiment qui est toujours victorieux de tous les obstacles qu'on lui oppose, lorsque celui qui l'éprouve possède une volonté ferme et décidée. Il aimait Edwige avec passion, et cette passion avait un caractère romanesque, car il ne l'avait jamais vue, et ce n'était que sur un portrait comme on en faisait alors, que le grand-duc de Lituanie s'était épris d'amour pour la reine de Pologne. Il avait ensuite recueilli avec avidité tous les discours que tenaient sur elle les voyageurs, même les moins apparents. Et tous s'accordaient à la proclamer la plus charmante, la plus belle, la meilleure des femmes. Un tel concert de louanges frappa d'abord son esprit étonné et lui inspira un vif sentiment d'admiration. Mais lorsque son frère, après avoir vu Edwige, après l'avoir entretenue, lorsque Scirgiello écrivit à son frère, quelle que soit la louange qu'on ait faite sur cette femme étonnante, elle est au-dessous de la vérité. C'est un ange, mais un ange de douceur et de bonté. Ces femmes, celles qui sont auprès d'elle pour son service intérieur, la servent en l'adorant. Voilà de toutes les louanges que j'ai entendues ici sur elle, celle qui me donne le plus de confiance pour ton bonheur. Je ne crois pas d'ailleurs qu'un regard pur comme le sien puisse tromper, et c'est celui d'un ange. Sa résistance doit te plaire loin de te blesser. Que penserais-tu d'une femme qui abandonnerait son amant, renoncerait à la foi jurée et deviendrait adultère au nom de Dieu? Tu la mépriserais, mon noble frère. Toi, dont l'âme est dévouée à la gloire et aux nobles choses. Attends en paix que cette jeune fille comprenne ce qu'il y a de grand et d'avantageux dans ton alliance. Crois-moi, cette femme est conduite à ta couche par la main de Dieu, et le sien et le tien, ton bonheur est dans cette union. C'est ainsi que la passion de Jaglon s'était formée dans son âme. Ses instances redoublèrent donc de force, et la reine de Hongrie fut enfin vaincue. Elle répondit qu'elle consentait à ce que sa fille agît pour le mieux dans l'intérêt de l'Église. En apprenant ses décisions, Edwige comprit qu'elle était perdue, si elle ne trouvait pas en elle-même son propre salut. Elle prit une résolution, et cette fois ne la confia qu'à Guillaume. Au retour de l'ambassade de Jaglon à Bude, Dobeslas, fier du consentement d'Élisabeth, fit convoquer une diète, à Cracovie même, dans laquelle furent appelés tous ceux qui n'aimaient ni Edwige ni le duc d'Autriche. Edwige laissa former cette diète, bien résolue de passer outre et de conclure son mariage. Cette détermination fut surtout prise entre elle et le duc d'Autriche en apprenant que Jaglon, appelé par les barons du conseil, allait lui-même arriver à Cracovie. Edwige, dont l'amour avait pris de nouvelles forces dans la longue intimité dans laquelle elle avait vécu avec Guillaume depuis qu'elle l'avait appelé près d'elle, était déterminée à tout braver pour s'unir à lui. Tout fut résolu et le jour même fut fixé. Mais pour l'exécution de ce projet, il fallait que le prince et la reine se vissent souvent. Et cela était difficile à cause des entraves suscitées par Dobeslas Castellan de Cracovie. Edwige souffrait cruellement de cette contrainte. Elle souffrait comme femme et comme souveraine, car la dignité de l'une était froissée si l'âme de l'autre était atteinte. « Mon Dieu, disait la pauvre enfant, je n'ai pas encore 16 ans, et j'ai déjà tant souffert. » Un soir, Edwige était légèrement indisposée et ne pouvait aller au couvent des franciscains. Il était cependant urgent qu'elle parlât à Guillaume, mais il était tard, et l'introduire dans le château était une chose difficile. La reine fit venir Albert, son premier page. « Albert, » dit-elle au jeune homme intelligent et dévoué, « il faut que je parle au duc d'Autriche ce soir même, entends-tu ? » Le page s'inclina. « Cours, et surtout sois prudent. » Fier et joyeux d'être une seconde fois jugé digne de la confiance de sa royale maîtresse, Albert jura de la mériter. Il se rendit au monastère et communiqua son message à Guillaume, qui fut aussitôt prêt à le suivre. Il prit une bonne épée et, se couvrant d'un grand manteau brun, il suivit le page, et en quelques minutes ils furent devant le château. Mais si Albert était fidèle, tout ce qui entourait la reine ne l'était pas également. À peine le jeune homme et le duc d'Autriche avaient-ils franchi la première enceinte royale que Dobeslas se présenta à eux en leur barrant le passage. « Quel est cet homme ? » dit-il à Albert, en indiquant de la main son compagnon. « Un étranger que je conduis à ma maîtresse d'après ses ordres. Tu mens ? Je mens ! » s'écria l'enfant devenu homme en un moment. Et d'un saut, se trouvant en face de Dobeslas, il lui lança des regards de feu. En cet instant, il avait 10 pieds. « Enfant, dit Dobeslas, éloigne-toi, et laisse répondre cet homme pour lui-même. « Cet homme ne vous répondra pas parce qu'il ne doit pas vous répondre. Ma maîtresse nous attend. J'ai déjà perdu trop de temps avec vous. Livrez-moi donc passage, au nom de la reine, monsieur. » Et joignant l'effet aux paroles, il tenta le passage en faisant signe au duc de le suivre. Mais le castellan, irrité de la résistance qu'il trouvait, saisit brutalement le jeune homme et le jeta sur le côté du chemin. Au cri de douleur et de rage que poussa Albert, Guillaume s'avança vers Dobeslas en rejetant son manteau en arrière. « Pourquoi frapper cet enfant, monsieur ?» dit le prince au castellan, avec ce ton de maître qu'il savait avoir le droit de prendre. « Monseigneur, je remplis les devoirs de ma charge. Le couvre-feu est sonné. Personne n'a le droit de demeurer dans le palais s'il n'y reste tout à fait. » Il appuya insolemment sur ce dernier mot. « La reine, votre maîtresse, ne peut être soumise à ce règlement, monsieur. Elle m'a mandé près d'elle. Livrez-moi le passage ou je me ferai faire place. » Le castellan fit un signe, et une herse fut aussitôt abaissée entre la cour intérieure et le lieu où ils étaient. La petite porte de la poterne resta seule ouverte. « Je serai honoré de croiser le fer avec vous, monseigneur, » répondit Dobeslas, « mais une menace ne me fera pas dévier de la route de mon devoir. » Guillaume avança sur le castellan. Celui-ci tira son épée et en abaissa tout aussitôt la pointe vers la terre. Mais son attitude était hostile. Le duc d'Autriche fut aussitôt que lui à la porte de la poterne et voulut y passer. La lutte s'engagea presque corps à corps et allait être sanglante lorsqu'attirés par les cris de Guillaume, Gniebos et quelques autres barons accoururent sur le lieu de la scène. Il était temps pour Dobeslas, car Guillaume allait à lui l'épée haute. Gniebos le prit dans ses bras et l'entraîna presque de force avec lui hors du palais. « Qu'on mette les verrous et les barres à cette porte, » dit le castellan, d'une voix tremblante de colère. « Monseigneur, elles sont trop rouillées, ces barres, pour pouvoir entrer dans les gâches. Eh bien, mettez les verrous !» On fut obligé de frapper sur les verrous de la porte de la poterne pour les faire entrer dans leurs gâches. En ce moment, une vive lumière brilla sur les pierres grises et humides de la cour intérieure. C'était la reine. Albert avait été l'avertir de la scène qui avait lieu, et tout aussitôt, quoiqu'elle fût souffrante, elle s'était levée, et jetant sur elle une mante de velours vert doublée de martre, enveloppant sa tête d'un voile de mousseline plutôt pour cacher ses joues enflammées de colère que pour se préserver du froid de la nuit, Edwige accourait sur le lieu de la scène, animée par la double indignation de la femme offensée dans sa dignité de reine, et de jeune fille, aimant de son premier amour. Elle n'était suivie que par deux de ces femmes qui portaient des torches de cire blanche parfumées, et d'Albert prêt à défendre sa maîtresse au péril de sa vie. Edwige était admirablement belle, dans cette cour humide et sombre, au milieu d'une nuit orageuse. Sa taille élégante, à peine enveloppée d'une mante doublée de fourrure, ses longues tresses détachées et cachant parfois tout son beau visage et ses épaules blanches. Elle était belle ainsi, plus peut-être que lorsqu'elle était sur son trône parée et entourée d'atours qui cachaient ses beautés. Ceux qui faisaient partie involontairement de ce drame étrange demeurèrent interdits à l'apparition de cette vision ravissante qui semblait descendre du ciel. En arrivant auprès de la poterne que Dobeslas venait de faire fermer, elle jeta sur lui un regard de mépris et de courroux, et marchant vers la porte, elle porta elle-même la main à la serrure et voulut l'ouvrir, mais la porte résista. « Ouvre cette porte !» dit-elle au portier. Celui-ci regarda le castellan qui fit un signe négatif. « Insolent !» s'écria la reine, qui surprit son regard. « Le couvre-feu est sonné, madame, et la règle veut, vous le savez, que les portes soient fermées à cette heure. Je ne fais que mon devoir en la faisant observer. Il est d'ailleurs plus que l'heure de la retraite. » Et s'enveloppant de son manteau, il s'éloigna après avoir renouvelé l'injonction au portier de n'ouvrir à personne avant le jour. La reine fut d'abord frappée de stupeur. Ensuite, elle crut rêver. Était-elle toujours dans cette même Pologne qui, quelques mois avant, l'avait accueillie avec tant d'amour? « Et ils prétendent qu'ils m'aiment ? » s'écria-t-elle en se laissant tomber sur un banc de pierre à côté de la fatale porte. « Ils disent qu'ils m'aiment ? Quel amour ! Que ferait de plus la haine ? Non, non, il faut choisir, partir ou rester. » En rentrant aussitôt en elle-même, elle jeta un coup d'œil rapide sur cette route qu'elle devait parcourir comme esclave couronnée, sans pouvoir, sans celui de faire respecter ce qu'elle aimait. « Ah ! » s'écria-t-elle, « le choix n'est pas douteux. » Et saisissant une petite couronne qui surmontait sa coiffure et qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever lorsqu'elle était venue, elle la lança loin d'elle avec colère. « Va, dit-elle, « sois maudite, toi qui jamais n'amenas une joie sur mon front, ni sur mes lèvres un sourire, va, et que j'éloigne avec toi, s'il est possible, le malheur et les larmes. » « Et je n'ai pas 16 ans, répétait-elle en sanglotant. Tout à coup, elle se releva impétueusement, et rejetant ses cheveux en arrière par un mouvement plein de grâce, elle dit « Je ne suis plus reine de Pologne maintenant. Je suis une femme libre. Je veux sortir de mon royal cachot. Ouvrez-moi la porte de cette cage dorée. Ouvre, te dis-je » répéta-t-elle vivement au portier qui considérait cette scène étrange comme un rêve qu'il faisait. Aussi se contenta-t-il de sourire sans faire un mouvement. D'ailleurs, il ne connaissait que le castellan d'Obeslas. En ce moment, Edwige crut entendre du tumulte de l'autre côté de cette porte fermée qui continuait à demeurer barrière entre elle et son amant. Elle écoute, elle ne se trompe pas. C'est la voix de Guillaume, au milieu d'autres voix querelleuses. Peut-être celle de ses meurtriers. « Guillaume, Guillaume, je suis à toi, attends-moi, je viens !» En ce moment, elle aperçoit une hache énorme à côté d'elle. Elle s'élance, saisit cette arme que dans un autre moment elle n'aurait pas même pu soulever, et frappe à coups redoublés sur les verrous et les chaînes qui ferment cette porte. Mais ses coups ne laissent pas même de traces, tandis que le tumulte produit par une violente querelle parvenait toujours plus bruyant à son oreille. Elle redoublait d'efforts, et toujours ils étaient impuissants. Enfin la force lui manqua, et elle tomba presque privée de connaissance au pied de cette porte au-delà de laquelle était son âme. Dans ce moment, un homme de haute taille, dont les cheveux et la barbe étaient blancs et l'aspect vénérable, arriva sur le lieu de la scène. L'expression de son visage et surtout de son regard en apercevant la reine dans cet état annonçait qu'elle avait en lui un ami. Il se pencha sur son pâle visage, écarta d'une main tremblante les tresses de ses cheveux humides tout à la fois de ses larmes et de la rosée de la nuit, et murmura à son oreille quelques paroles de douce pitié, mais elle ne l'entendit pas. Il voulut la soulever pour qu'elle ne demeurât pas sur cette terre humide et froide, mais il ne put y parvenir avant d'avoir détaché les mains de la jeune fille des verrous rouillés de la porte et de l'âge pesante que l'une d'elles tenait encore. Le cœur du vieillard fut pénétré de cette peine, qui est bien profonde lorsqu'elle est sentie par la vieillesse, en voyant cette jeune et belle créature, dont le front couronné n'avait en ce moment pour bande royale qu'une pâleur de mort. Elle était là comme une belle statue de marbre sur un tombeau. Les larmes du vieillard coulèrent alors en abondance sur les mains qu'il tenait dans les siennes pour les réchauffer, car elles étaient glacées. Cette marque de pitié parvint au cœur d'Edwige et la rappela à la vie. Elle aussi pleura. Et lorsqu'elle eut reconnu son vieil ami, elle se jeta dans ses bras en redoublant ses sanglots. Il la laissa pleurer. Il savait que la douleur s'use par les pleurs et que leur effet est d'alléger le cœur. Étrange nature que la nôtre. Ou pour être moins malheureux, il faut recourir à une nouvelle souffrance. Edwige pleura longtemps sur le cœur de son vieil ami et puis elle lui demanda des conseils. Et lui, tout débile, accablé sous le poids des années et de ses propres malheurs, il recula devant le courage qu'il serait obligé de demander à une jeune fille de 16 ans, dont le front blanc portait une couronne, et qui ne devait connaître que des jours d'amour et de paix. Et lui aussi, il était malheureux, mais il était vieux. Qu'est-ce que sa vie pour la destinée? Ainsi donc, vieillesse et jeunesse, quelle que soit l'époque de la vie à laquelle on nous prenne, toujours des larmes et de la douleur. Dimitri parla longtemps à Edwige avec cet accent du cœur qui ne trompe pas et ne donne que de vraies consolations. Mais elle ne lui répondait que par des larmes. Son inquiétude relativement à Guillaume ne lui permettait aucune attention étrangère à lui en ce moment. Elle ne pouvait effacer de son souvenir les cris qu'elle venait d'entendre. Le nom de Guillaume sortait de sa bouche pour toute réponse aux paroles de Dimitri. En voyant l'agitation terrible qui la dominait, il se détermina à braver la nuit et l'orage qui grondait avec force pour apporter des nouvelles du duc d'Autriche à la reine. Il la reconduisit dans son appartement, et après l'avoir remise aux soins de ses femmes, il descendit dans la ville et fut au couvent des franciscains. Mais il n'y trouva pas le prince. Gniévose, inquiet pour sa sûreté, l'avait conduit dans son palais, et l'y tenait sous la garde de l'hospitalité et de la foi jurée de chevalerie. « Dites à la reine que je réponds du duc d'Autriche sur ma tête !» dit le vice-chambellan à Dimitri. Celui-ci apprit en même temps que les trésors du prince, qui étaient d'une immense valeur, avaient été de même placés sous la garde de l'honneur de Gniobos. Il était 3 heures après minuit lorsque le vieillard revint au palais pour assurer Edwige. Il la trouva couchée sur son lit, ayant non seulement gardé ses vêtements, mais ayant même réparé le désordre de sa toilette pour être prête à courir au secours du duc d'Autriche s'il en était besoin et s'il courait un danger immédiat. En revoyant son beau visage si pâle et si changé par la violence et le choc des passions, le bon vieillard soupira, car il connaissait maintenant comment Edwige pouvait aimer et qu'elle portait avec son affection, et il connaissait aussi la détermination arrêtée des hommes de son conseil, et cette détermination était la ruine de toutes ses espérances. En le voyant approcher de son lit, Edwige n'osa pas lui demander quelles étaient les nouvelles qu'il lui apportait. Ses pressentiments étaient tous sinistres. Aussi, lorsqu'il lui dit qu'il n'y avait aucun sujet d'alarme ni d'inquiétude, elle s'élança hors de son lit et se jetant dans ses bras, elle le couvrit de larmes et de caresses comme une fille remerciant un père d'un bonheur inattendu. « Oh ! » disait-elle en baissant ses cheveux blancs et les mouillant de ses larmes. « Est-ce donc vrai ? Vous ne me trompez pas ?»« Je ne tromperai pas mon ennemi. Jugez, madame, si je tromperai ma souveraine. » Edwige le regarda en rougissant, avec une expression si passionnée pour lui demander pardon au nom de cet amour qu'il se rassurait si difficilement, que le vieillard retrouva tous les souvenirs d'un autre temps dans ce regard suppliant et pardonna à la jeune fille ce que peut-être il n'aurait pas pardonné à la reine de Pologne. Le lendemain, à peine les femmes d'Edwige étaient-elles entrées dans son appartement pour y faire le service de s'enlever, qu'on lui annonça l'évêque de Cracovie. C'était un homme pieux, mais d'une piété austère et sans miséricorde. Lorsque Edwige entendit prononcer son nom, elle prévit un malheur, mais la détermination qu'elle avait prise avec elle-même pendant cette terrible nuit qui venait de s'écouler pour elle au milieu des larmes et des insultes, la rendait bien forte contre toutes les attaques. Elle donna l'ordre de faire entrer l'évêque dans son oratoire en lui faisant dire qu'elle allait l'y joindre, et se mettant en prière, elle demanda à Dieu la force de résister à ce qu'on allait tenter contre elle. Lorsqu'elle entra dans l'oratoire, la physionomie de l'évêque la fit tressaillir. C'était un homme âgé, grand, maigre et sec d'aspect et de tournure. Les yeux enfoncés et couverts, le sourire fréquent, mais ayant plutôt le pouvoir de glacer le cœur que de l'épanouir. Il était habile et instruit, aussi l'avait-on choisi pour agir en cette circonstance de manière à pouvoir lutter avec succès contre la femme la plus supérieure de son temps. Il avait un grand crédit sur la noblesse polonaise, Edwige le savait, et son inquiétude en redoublait, mais elle ne le témoigna par aucun signe, et lorsqu'elle entra dans l'oratoire, elle était toujours la reine de Pologne. « Madame, lui dit l'évêque, entrant brusquement en matière, j'ai appris ce matin à mon réveil que le palais royal de la capitale de la Pologne avait été le théâtre de scènes tellement scandaleuses qu'en ma qualité d'évêque de cette ville, ou plutôt de son pasteur, je viens pour en prendre une connaissance exacte. » En prenant un siège, il s'assit, en faisant signe à la reine d'en faire autant. Edwige demeura debout, les bras croisés sur sa poitrine, et paraissant écouter l'évêque avec beaucoup de sang-froid, mais avec une fermeté d'opinion intérieure, qui lui donnait en même temps de la dignité et un air insouciant que l'évêque ne s'était pas attendu à trouver. Son expérience ne lui avait pas encore appris que rien ne donne du courage comme un parti pris et arrêté. « Il ne m'appartient pas, poursuivit néanmoins l'évêque, de juger des questions d'amour. Je laisse ce soin au tribunal préposé à cet effet. Mes occupations, ma volonté, mon goût me portent vers d'autres intérêts que je crois plus utiles. Mais cette circonstance est dans un cas particulier. Un grand prince demande votre main, et pour prix du consentement qu'il espère, il offre de reconnaître la foi chrétienne et de la faire adopter par tous ses sujets. Madame, une proposition aussi belle doit être considérée comme intéressant particulièrement le bonheur de la Pologne. Je crois ce bonheur assuré si vous épousez Jaglon, et que vous le donniez pour roi à vos sujets. Faites cette action, quoi qu'elle puisse vous coûter, madame, et vous devenez l'héroïne de votre nouvelle patrie et la gloire de celle qui vous a donné le jour. Si c'est un devoir, il vous sera doux à accomplir, puisqu'en l'accomplissant, vous servez Dieu. Si je vous parle ce langage, madame, c'est que je connais votre piété. Je sais qu'elle est sincère autant qu'éclairée. C'est pourquoi je ne crains pas d'ajouter que je suis ici l'organe, non seulement du clergé de la Pologne, mais de celui de toute l'Europe chrétienne. Edwige ne répondit pas. « Vous êtes reine de Pologne, madame, » continua l'évêque, visiblement offensé du silence de la reine. « Vous êtes, par la dernière volonté de votre père, héritière de notre honoré seigneur Casimir le Grand. » Mais la pensée constante de ce dernier fut toujours que la tête qui porterait la couronne de Pologne s'inclina devant Dieu. Agir comme vous le faites, c'est contrevenir à la foi aux lois chrétiennes et à la volonté de votre grand-oncle. Quelle réponse ferez-vous demain à l'ambassadeur du grand-duc de Lituanie ? La même que j'ai faite et que je ferai toujours, sire évêque. Non, madame, vous ne la ferez pas toujours, répondit l'évêque en appuyant sur ce dernier mot. Toujours, sire évêque. On est bien fort lorsque la volonté n'est dominée par aucune considération humaine. Si la couronne de Pologne est si pesante pour qui la doit porter, s'il la faut acheter au prix de mon bonheur et de mon honneur, c'est aussi par trop la payer. Le palais de Bude m'est encore ouvert. Vous croyez pouvoir abdiquer, madame, et vous vous trompez. À dater du jour où vous avez été sacrée et couronnée comme reine de Pologne, vous ne vous appartenez plus. C'est un poste peut-être périlleux, les combats y sont fréquents. Eh bien, madame, vous seriez un soldat sans courage si vous le désertiez au moment du danger. Edwige fit un mouvement de tête qui indiquait son impatience. Le prélat poursuivit et dit avec force « Vous ne pouvez pas abdiquer. Eh bien donc alors, le duc d'Autriche sera votre roi. Je suis sa fiancée, il est mon mari devant Dieu, et c'est outrager cette même religion que vous invoquez, sire évêque, que de vouloir me faire rompre un engagement aussi sacré. Les événements qui sont survenus depuis vos fiançailles, madame, les rendent nuls aujourd'hui. L'Église a pour de semblables cas le pouvoir de délier ce qu'elle a lié. « Et moi, je m'y refuse, » dit Edwige avec hauteur, et se dirigeant vers la porte de son appartement intérieur, elle indiqua ainsi qu'elle congédiait le prélat. Mais lui, se levant à son tour, se mit devant la reine et lui barrant le passage. « Notre conférence n'est pas encore terminée, madame. Veuillez vous rasseoir et m'écouter. » Son accent était à la fois impérieux et moqueur. Edwige, après avoir hésité d'abord, revint à sa place et indiqua de la main qu'elle était prête à entendre le prélat. Vous croyez être maîtresse de vous, madame. Mais avez-vous consulté le chef de notre Église sur un point aussi grave? Savez-vous quelle est sa pensée? Edwige pâlit. Le ton d'assurance de l'évêque lui disait tout. C'est un avis important à prendre, cependant, madame, que celui du Saint-Père. J'écrirai dès demain sa sainteté, sire évêque, dit la reine en se levant, comme pour indiquer qu'elle donnait congé. Ce sera donc pour lui répondre, madame, dit le prélat en posant une main sur le bras de la reine, et de l'autre, lui présentant un parchemin plié en quatre et lié d'un fil de soie pourpre, c'est l'éduceau pontifical. En le voyant, Edwige pâlit de nouveau. C'était son arrêt. Là était sa dernière espérance. Cette lettre était un chef-d'œuvre d'habileté apostolique. « Ma chère fille, » y disait le pape, « comment pouvez-vous oublier que je vous ai donné le nom glorieux et doux de fille bien-aimée de l'Église chrétienne? Et quoi? Lorsque je priais pour vous, en demandant à Dieu de prolonger sa bénédiction sur vos jours, il faut me prosterner pour supplier le Seigneur de vous ramener à lui, vous, ma fille, vous, si chrétienne parmi les vierges saintes, vous, l'orgueil de notre Église, vous en deviendriez la honte. Car que seriez-vous autre chose, ma fille, si vous refusiez d'ouvrir la porte céleste à des millions d'âmes qui vous demandent de leur donner la vue du Seigneur? Ma fille, mon enfant, faites que mes prières soient exaucées. J'ai demandé au Seigneur notre Dieu de faire de vous un vase d'élection, une des colonnes de son temple. Il m'avait entendu. La plus grande gloire pour une vierge chrétienne après celle du martyr vous était dévolue. Et vous la rejetez, ma fille. Oh, mon enfant, n'auriez-vous donc pas suivi l'exemple de ces filles courageuses qui bravèrent les tortures pour confesser le saint nom de Jésus-Christ? Le glaive, le feu, le poison, la torture, toutes les cruautés inventées par les hommes pour tourmenter leurs semblables leur étaient infligées. Et les saintes martyrs les supportaient pour l'amour de Dieu. Edwige, ma fille, ne repoussez pas le bien qui s'offre à vous. Vous souffrirez sans doute. Votre cœur saignera longtemps peut-être de cette blessure. Mais quel baume céleste descendra du ciel sur cette plaie faite par votre devoir de chrétienne pour la gloire du Seigneur. Au nom de ce Dieu dont je suis le vicaire indigne, rentrez en vous-même. Écoutez la voix qui vous crie que vous êtes appelée à être une sainte. Est-ce donc quelques moments d'une joie périssable qu'ils peuvent balancer une si belle gloire? Et le sort de tout un royaume? Non, ma fille, vous n'agirez pas ainsi. Vous détournerez vos regards. Vous isolerez votre cœur de cet amour que vous devez considérer comme un piège de l'esprit maudit. Et vous mériterez par cette conduite une couronne plus brillante et plus durable que celle des rois. La lecture de cette lettre, si habilement faite, fit sur Edwige l'effet que le pape en avait attendu. La violence et la contrainte l'avaient irritée, et si l'évêque de Cracovie était sorti de chez elle sans lui remettre la lettre du Saint-Père, elle leur déclarait son abdication dans la journée. Mais la prière d'un vieillard, du chef de l'Église, de l'homme qu'à cette époque on regardait comme Dieu même, fit sur la jeune fille une impression profonde. Elle fut, non pas vaincue, mais fortement ébranlée. Non que l'amour qu'elle avait pour le duc d'Autriche fût altéré par cette impression nouvelle, car cet amour devait durer autant que sa vie. Mais elle voyait d'un autre œil maintenant ce qu'on lui demandait. C'était au nom de Dieu. Et pour une femme comme Edwige, c'était demander une certitude d'obtenir. En cédant à la prière du pape, Edwige ne cédait à aucune de ces considérations humaines qui révoltaient sa fierté délicate. La grandeur du duc de Lituanie elle-même n'était plus qu'un motif de plus pour la déterminer, car le nombre des âmes qu'elle doit délivrer du pouvoir de Satan est ce qui la détermine à son sacrifice. Après la lecture de cette lettre importante, Edwige tomba dans une rêverie profonde que l'évêque n'osa d'abord troubler. Mais son humeur altière ne lui permettait pas d'observer longtemps une loi qui gêna sa volonté. Et rompant enfin le silence, il demanda à la reine quelle réponse elle avait à faire à la lettre du Saint-Père. À la voix de cet homme, Edwige tressaillit. Elle fut aussitôt ramenée au sentiment de sa position, et tout ce qui s'était assoupi en elle à la lecture de la lettre se réveilla plus vivement, et elle reprit toute sa fierté et même sa colère. « Je répondrai à sa sainteté, sire évêque, lui dit-elle avec hauteur. « Je n'ai aucune réponse à vous faire connaître particulièrement. Le conseil saura ma détermination. » Et le congédiant d'un signe de tête, elle se dirigea vers la porte de son appartement intérieur. Mais l'évêque, au lieu de se retirer, avança de quelques pas vers Edwige et s'arrêtant en face d'elle, lui dit presque impérativement « Il faut que vous m'entendiez encore, madame, que malgré votre prévention contre moi, vous receviez un avis par ma bouche. Il faut que ma prudence empêche un malheur que votre passion insensée peut amener. Le duc d'Autriche court un grand danger s'il demeure à Cracovie. » Edwige s'arrêta, et son visage devint blanc comme un lys. Tout son sang reflua vers le cœur, et elle fut obligée de s'appuyer contre la muraille, tandis que l'évêque la regardait avec un œil méchant et railleur. Elle surprit un de ses regards. « Ah ! Lui dit-elle, n'avez-vous donc aucune pitié d'une pauvre femme au désespoir ? Dites, oh dites-moi quel est le danger qui menace Guillaume ? Le plus grand danger, mais enfin la mort. Ah ! Et la reine tomba sur son prie-Dieu presque privée de vie. Mais bientôt, se relevant avec impétuosité, elle fut à l'évêque, le prit vivement par le bras, et le conduisant devant le crucifix, elle lui dit avec un accent rapide et saccadé « Au nom du Dieu mort pour nous sur cette croix, au nom de votre salut, dites-moi quel est ce danger. J'ai le droit de vous le demander, car je suis sa femme. Votre raison politique peut vous faire dire devant moi que ce n'est pas vrai, mais dans le fond de votre cœur, dans votre conscience, vous savez que je suis sa fiancée. Qu'il est mon mari. Dites-moi donc, oh, dites-moi, quel danger le menace. Je vous l'ai dit, la mort. » Edwige ne put que gémir et cacher sa tête dans ses mains. Enfin, elle dit d'une voix tremblante, « Mais pourquoi? Quel est son crime ?» L'évêque ne peut retenir un sourire méprisant. « Il est obstacle à de grands desseins. N'est-ce donc pas suffisant pour le faire condamner par des hommes qui veulent atteindre un but devant lequel il se trouve? Et pour cela, ils veulent l'assassiner? Je vous ai dit que le hasard m'a fait connaître par la révélation de la confession. Je ne trahis donc aucun secret, confie à ma foi, puisque je ne nomme personne. Ma conscience ne pouvait me laisser voir le poignard suspendu sur le sein d'un innocent sans chercher à le détourner. J'ai donc pris la résolution de tout vous dire. Vous êtes instruite, maintenant c'est à vous d'agir. » Et s'inclinant devant la reine, après avoir auparavant salué profondément le crucifix qui était suspendu au-dessus du prie-Dieu, l'évêque se disposait à sortir lorsque Edwige, l'arrêtant par le bras, « Sire évêque, lui dit-elle, le duc de Lituanie veut sans doute la couronne de Pologne bien plus qu'il ne désire ma main. Eh bien, j'abdiquerai. Appelez-le au trône, et laissez-moi partir et heureuse. Jaglon vous aime plus qu'il n'est ambitieux. Si la couronne de Pologne était uniquement l'objet de ses vœux, il aurait cherché à la conquérir par les armes. C'est vous qu'il veut. Oh mon Dieu, que dois-je faire ? Elle s'agenouilla et pria. On entendait en même temps le bruit de ses sanglots et les paroles saintes de la prière. Quand elle eut prié, elle se leva et dit à l'évêque « Par les mérites de sainte Hedwige, ma patronne, dont voici les reliques, » ajouta-t-elle, en sortant de son sein un précieux reliquaire qui ne la quittait jamais. « Me jurez-vous que le danger que court le duc d'Autriche est certain et immédiat ? Je le jure. » « Sur ces reliques, sur ces reliques !» Et l'évêque étendit la main droite sur le reliquaire. « Il suffit. Maintenant, laissez-moi seul. » L'évêque paraissait indécis, mais Hedwige lui indiqua par un nouveau geste qu'elle voulait être seule, et il se retira en saluant avec un respect apparent celle qu'il venait de traiter en ennemie et non comme sa souveraine. Hedwige, demeurée seule, sentit son cœur se briser sous le coup que venait de lui porter cet homme de Dieu, sans cœur et sans pitié. Elle ne pouvait pleurer. Les larmes l'étouffaient. Ses idées n'étaient pas en ordre. Elle voulait s'arrêter à un parti et rien ne lui semblait pouvoir détourner la mort sous la tête de Guillaume. « mon Dieu, inspirez-moi » disait la malheureuse enfant en priant avec ferveur. Dans ce moment, on frappa doucement à la porte de l'appartement intérieur. C'était Thérèse qui demandait pour Dimitri la permission d'être introduit. « Ah ! » s'écria Hedwige, « c'est le ciel qui l'envoie !» Le vieillard entra aussitôt dans l'oratoire. Sa contenance était abattue et sa physionomie vénérable, toujours si calme, paraissait en ce moment bouleversée. « Qu'avez-vous ? » lui demanda la reine. « Vous paraissez troublé. Quelque nouveau malheur me menace-t-il ? » Jaglon arrive. Les barons du conseil les plus portés pour l'union lituanienne ont pensé que la présence du grand-duc ferait plus en un jour que toutes les ambassades qu'il pourrait envoyer. En conséquence de cette résolution, ils ont écrit « Et le grand-duc arrive à Cracovie ?» Et dis-je pâlis. « Et il arrive bientôt ?» Le vieillard inclina la tête sans répondre. Il ne pouvait se résoudre à annoncer à Hedwige ce qu'elle devait cependant savoir. La reine le comprit et lui dit « J'ai la force de tout apprendre. Quel jour arrive-t-il ? Demain. » Hedwige tressaillit et dit avec un sourire amer « Le terme est court. On en laissa plus long un criminel condamné à mort pour exécuter la sentence. » Dimitri s'approcha d'Hedwige et prenant ses mains dans les siennes, il les pressa sur son cœur avec la tendresse d'un père. « Ma souveraine !» lui dit-il avec une émotion qui venait d'une noble affection. « Ma souveraine, soyez vous-même dans cette circonstance, soyez grande et courageuse, il le faut !»« Hélas, vous ne savez pas tout !» Hedwige le regarda. Le vieillard abaissa son œil sous celui plein de feu de la jeune fille. « Vous me cachez quelque chose, Dimitri ?» lui dit-elle. « Parlez. Vous savez quelque secret important relatif au duc d'Autriche ?»« Il est vrai !» répondit Dimitri, surpris. « Et ce secret, c'est... Dites !» Le vieillard continua à se taire. « Vous ne voulez pas me le dire ? Eh bien, je le sais, moi, c'est que vos compatriotes veulent l'assassiner. » Et la pauvre enfant retomba mourante sur son prie-Dieu. « Grand Dieu ! » s'écria le grand trésorier en joignant les mains. « Qui a pu vous faire connaître ce terrible secret ? L'homme qui sort d'ici ? L'évêque de Cracovie ? Oui. » Dimitri joignit ses mains dans un grand étonnement. La reine se leva et fit plusieurs fois le tour de l'oratoire, comme plongée dans de grandes pensées. Dimitri n'osait interrompre cette méditation qui semblait l'absorber. « Je voudrais être seul, » dit enfin Hedwige à son vieil ami. « Dites-moi seulement, avant de me quitter, à quelle heure Jaglon doit entrer dans la ville ?»« Je crois que c'est demain, vers l'heure de midi. »« Il suffit. Maintenant, mon ami, promettez-moi de veiller sur Guillaume jusqu'au moment où vous recevrez un message de moi. Avant 2 heures, vous serez délivré de votre parole. Me promettez-vous de veiller sur ses jours pour qu'il ne court aucun danger ? Je vous jure de l'avoir en ma garde comme mon fils. » La reine lui tendit sa main qu'il baisa avec une émotion profonde, car il y avait en elle en ce moment une expression étrange qui étonnait et touchait en même temps. Lorsqu'il fut sorti de l'oratoire, Hedwige demeura longtemps plongée dans une rêverie profonde. Que devait-elle faire dans une circonstance aussi délicate ? Jaglon arrivait à Cracovie, mandé par les barons du conseil et non par elle. cette démarche des Polonais sans l'avoir consulté lui donnait la mesure de ce qu'il pouvait tenter pour accomplir la volonté qui donnait 10 millions de sujets de plus à la Pologne. La raison d'État parlait ici plus haut que celle de l'honneur et même de la religion. Edwige le comprit et recula devant les malheurs qu'elle prévoyait pour elle et pour Guillaume. Comment les prévenir? Comment neutraliser une volonté aussi forte en raisonnement que celle qui double la puissance d'une nation? Edwige, prosternée devant sa sainte patronne, pleurait et priait, et voyait les heures s'écouler sans qu'un rayon d'en haut vînt l'éclairer dans l'obscurité du doute où elle était. La journée était avancée. Déjà le soir était venu sans qu'Edwige eût appelé même Thérèse auprès d'elle. Cette solitude profonde convenait à l'état de son esprit. Il lui semblait qu'ainsi séparée du monde, Dieu se communiquerait mieux à elle. À genoux, devant l'image de sa patronne, elle lui demandait du secours en pleurant. Et dans le cours de cette journée, que de fois la malheureuse enfant répéta, au milieu de ses prières et de ses larmes, « Et je n'ai pas encore 16 ans !» Le soleil se couchait dans un ciel orageux et ne donnait que des rayons pâles au travers des vitraux colorés de l'oratoire. Edwige ouvrit une fenêtre qui donnait sur la campagne pour respirer librement un air plus frais. Penchée sur le balcon crénelé, elle cherchait du soulagement et ne trouvait dans ses réflexions que de nouveaux sujets d'alarme. Tout à coup, une cloche a retenti près d'elle. C'est l'office du soir qu'on va célébrer dans la cathédrale. Edwige se lève et, joignant les mains, « Mon Dieu, dit-elle, regardez-moi en pitié et assistez-moi. » Elle rentre dans son appartement, prend un voile et passe ensuite dans un appartement voisin. Elle se trouve dans la travée royale qui avait vue sur l'intérieur de la cathédrale et d'où les rois de Pologne pouvaient entendre l'office divin. L'église était sombre et solitaire. Quelques femmes agenouillées priaient isolément. Le maître-autel était seul éclairé par plusieurs cierges, dont la clarté tremblante formait le prolongement des grandes ombres des piliers qui commençaient à devenir massives. Cet ensemble avait une physionomie triste mais touchante et devait parler à une âme pieuse comme celle d'Edwige prosternée en suppliante devant le roi des rois. Elle lui demandait de la guider dans cette route où elle se trouvait engagée, lui promettant de se soumettre à son ordre, quel qu'il fût. Tandis qu'elle priait, les prêtres achevaient l'office. Les cierges s'éteignirent et le peu d'assistants quitta l'église qui bientôt fut déserte. En se voyant ainsi seule avec Dieu dans sa demeure, Edwige redoubla de ferveur. Tout à coup elle tressaille. Elle relève sa tête. Une voix a prononcé son nom. Cette voix n'a rien d'humain. Elle appelle Edwige. Elle appelle une seconde fois. La jeune fille n'hésite pas. Elle se lève, ouvre une porte donnant sur un escalier qui de l'appartement royal conduit à la cathédrale et se trouve bientôt au milieu de l'église, près d'une chapelle vers laquelle son sort semble l'avoir conduite. Il y avait à cette époque dans la cathédrale de Cracovie une chapelle consacrée à la dévotion spéciale du Sauveur. Un beau Christ était sur l'autel de cette chapelle où l'on venait prier et faire ses stations au temps de Pâques. Edwige avait aussi cette chapelle en grande vénération. En se trouvant ainsi près d'elle, dans ce moment, elle tressaillit. Cette voix, qui deux fois l'avait appelée, ne venait-elle pas de ce lieu saint ? Edwige se recueillit, puis elle entra dans la chapelle et se mit en prière. Elle demanda à Dieu de lui révéler sa volonté. Devait-elle trahir la foi donnée devant lui-même par l'ordre d'un père? Devait-elle mépriser les menaces et demeurer fidèle à son fiancé? Elle supplia le Seigneur, dans cette heure d'angoisse, d'éclairer sa route et de lui tendre la main. « Alors, dit-elle, ô mon Dieu, j'aurai le courage, si vous l'ordonnez, d'abandonner la vie et les joies, et quoique bien jeune encore, de dire adieu au bonheur sans l'avoir connu. » Edwige demeura ainsi prostrée pendant plusieurs heures. Ses femmes la trouvèrent immobile, les yeux fermés, et paraissant prier avec une chaleureuse onction. Quelquefois ses yeux s'ouvraient et son regard allait interroger le Christ devant lequel elle priait. Elle demeura dans cette attitude jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. Alors son visage prit une expression lumineusement belle. Elle se leva, monta lentement les deux marches de marbre de l'autel de la chapelle et dit à haute voix « Vous l'ordonnez, ô mon Dieu, que votre volonté soit accomplie. Je vous obéirai. J'épouserai le païen pour l'appeler à votre loi. Je renonce à Guillaume. » Ici la voix de la jeune fille fut étouffée par les sanglots. Elle tomba sans force sur ses genoux devant cette croix à laquelle toutes les joies de sa vie venaient d'être attachées de sa main. « Guillaume, Guillaume !» répétait-elle avec déchirement. « Adieu, adieu pour toujours en ce monde !» Elle pria encore ainsi quelques moments en pleurant. Mais si son cœur était brisé, son âme était forte. Et elle se leva victorieuse de cette terre où la jeune fille venait de verser tant de larmes d'amour pour montrer ce que pouvait la femme dans toute sa vertu. « Je renouvelle le serment que je viens de faire, dit-elle, et c'est ainsi que je le consacre. » Elle détacha le voile qu'elle portait, il était de crêpe noire. Elle l'étendit sur le Christ qu'il couvrait en entier. « Que la main qui lèvera ce voile soit maudite et desséchée, poursuivit-elle. Sous ce voile sont mes espérances anéanties, mortes à jamais. Qu'il soit donc là comme le linceul qui les recouvre, qu'il y demeure toujours. » Elle saisit le voile, le pressa sur sa bouche, sur son cœur, éprouva une triste joie de le sentir trempé de ses larmes. « Adieu, » murmura-t-elle tout bas, « adieu, je ne prononcerai plus ton nom, mais il vivra dans mon cœur. » À peine fut-elle rentrée dans son appartement, qu'elle envoya Albert chez Dimitri avec l'ordre de ramener le grand trésorier avec lui. Le vieillard attendait un message de la reine, aussi Albert le trouva-t-il prêt à le suivre. Dimitri de Gorée était un de ces hommes dont le cœur est sensible et bon, en même temps que leur âme est fortement trempée. La reine s'était fait connaître à lui sous des rapports tellement attachants que son dévouement pour elle était entier, et le dévouement d'un tel ami balançait les basses et lâches intrigues d'un parti peu honorable, puisqu'il était obligé de conspirer dans l'ombre. Edwige le savait. Son œil avait jugé d'abord à son arrivée quels étaient les serviteurs dont le trône devait être entouré. Sa jeune prudence de 16 ans avait su les discerner, et Dimitri de Gorée avait été un des premiers dans sa confiance. Il était donc naturel que dans cet instant critique et dangereux, elle prit conseil de cet homme en qui elle voyait non seulement un appui, mais un sauveur pour Guillaume, car son pouvoir était au-dessus de celui de Dobeslas. Lorsque Dimitri entra dans la chambre de la reine, elle écrivait. Ses traits ordinairement si beaux étaient tellement altérés par les secousses violentes qu'elle avait éprouvées depuis 2 jours qu'il demeura douloureusement surpris. Edwige ne parut pas s'apercevoir de son arrivée et continua d'écrire. Quelquefois elle s'arrêtait pour essuyer ses yeux, car elle pleurait, et souvent le vélin était mouillé. Lorsqu'elle eut fini sa lettre, elle la relut en entier. Alors ses pleurs redoublèrent et elle sanglota avec déchirement. « mon Dieu, vous qui l'avez ordonné, donnez-moi donc plus de force et plus de courage !» Dimitri s'approcha d'elle. « Ah, mon ami, j'obéis à Dieu, mais j'en mourrai !» L'infortunée prophétisait. Le vieillard prit sa main et la pressa sur son cœur. Cette main était passive et ne rendit plus la pression de l'amitié. Son œil était fixé, son regard errait sans voir autour d'elle. Dimitri fut effrayé de cet état. « Ma souveraine, ma noble maîtresse, revenez à vous, c'est moi, Dimitri, votre vieux serviteur, celui que vous aimiez à appeler près de vous dans vos chagrins, que vous nommiez votre père. Mon père, celui qui m'a donné cette couronne, oh, combien elle me coûte! Quel prix j'ai donné pour ce cercle d'or! Guillaume, mon bien-aimé, mon fiancé! Et dire que jamais, jamais plus je ne le reverrai! Oh, mon Dieu, pitié, pitié !» Et elle pleurait avec cette abondance de larmes que la jeunesse a pour ses premières douleurs. Celle qu'elle éprouvait, la malheureuse enfant, était de cette nature qui d'abord ne reçoit aucune consolation. La seule que reçoit le cœur est de voir pleurer un ami de votre peine. Dimitri le savait. Il parla peu à la malheureuse affligée, mais il pleura. Et les larmes du vieillard calmèrent le désespoir qui avait été rappelé par le nouvel adieu qu'elle venait d'écrire. Pendant longtemps, il ne put connaître l'étendue de son malheur. Ce ne fut qu'en lisant la lettre qu'il se chargea de remettre à Guillaume qu'il jugea de ce qu'elle devait souffrir. « Pars, Guillaume, lui écrivait-elle, pars, quitte Cracovie, retourne à Bude auprès de ma mère. Là, du moins, tu parleras de moi, tu reverras les lieux où si longtemps nous fûmes heureux ensemble. Car maintenant, Guillaume, nous n'aurons plus de pareils souvenirs. Nous ne devons plus nous revoir. Ami, je dois te quitter, renoncer à toi. C'est la volonté de Dieu. Soumettons-nous sans murmurer. Ne m'accuse pas, surtout. Au nom de notre amour, qui compte autant d'années que notre vie, ne me soupçonne pas. Je t'éloigne de moi parce que je t'aime, Guillaume. Oui, parce que je t'aime. Quelques jours, peut-être, tu sauras ce que j'ai souffert pour prononcer notre séparation. Jusque-là, plains-moi, prie pour moi, comme je prierai pour toi. Nos deux voix montrent ensemble au trône de Dieu. Là, du moins, les méchants ne nous sépareront plus. Adieu. Crois en moi comme je crois en toi. Même sans nous voir, nous nous retrouverons toujours par la pensée. Notre amour a été offert en holocauste sur l'autel du Seigneur, notre Dieu. Mais il est un sanctuaire où son souvenir sera religieusement conservé. Qu'il en soit de même pour toi, Guillaume, et le peu de jours que je passerai sur la terre peut encore être heureux. » Ainsi donc, vous êtes résolu, dit le grand trésorier avec admiration, car une telle force avec un tel amour lui parut sublime. « Oui, Dieu a parlé, et j'ai dû courber ma tête. Je souffrirai sans doute, mais les premières chrétiennes n'ont-elles pas souffert aussi pour confesser le nom de Jésus-Christ? Eh bien, je serai martyr par le cœur. » Elle ne pleurait plus en parlant ainsi. Le désespoir avait fourni ses larmes, et l'abattement de la douleur lui avait succédé. Elle voyait maintenant devant elle cette suite de jours déshérités de joie de l'âme, de bonheur du cœur. Et quelquefois, elle reculait en frissonnant devant ce tableau se déroulant devant elle à l'infini. Mais elle se repentait ensuite de ses murmures. « C'est l'ordre de Dieu, » disait l'infortunée. Elle chargea Dimitri de porter cette lettre à Guillaume et de veiller à ce qu'il quitte Cracovie dans le jour même. « Au nom de tout ce que je puis invoquer, au nom de moi-même, Guillaume, » ajouta-t-elle dans sa lettre, « je te conjure de partir dans une heure. » Elle ajouta dans ses instructions verbales tout ce qu'elle avait omis dans sa lettre. Là, elle n'avait parlé que de leur amour. Elle confia la lettre du pape à Dimitri pour que Guillaume en prît connaissance. Il était pieux, et cette lecture devait, sinon le consoler, du moins donner une sorte de légitimité à sa douleur. « Qu'il ne m'accuse pas, surtout, qu'il ne me soupçonne ni de faiblesse ni de légèreté. Il m'a fallu au contraire bien de la force pour accomplir mon sacrifice. » Le jour commençait à paraître. On entendait déjà du mouvement dans le palais. Dimitri observa à la reine qu'il était temps qu'il allât trouver le prince, afin qu'il pût partir avant le moment qui serait trop affreux pour lui, pour que ses amis ne lui en épargnassent pas la douleur. La reine le comprit. « Quelle heure ont-ils fixé ? Midi. Allez donc, mon ami, allez, et que les saints vous protègent. » Demeuré seul, Edwige se sentit mourir. Était-il donc vrai que cet homme, dont les pas s'entendaient encore, emportait dans ses mains le renoncement à tout le bonheur de sa vie? Et elle l'entendait toujours. Il pouvait revenir. Deux fois elle se leva pour le rappeler, et deux fois une force invisible la replaça sur sa chaise. « C'est la main de Dieu, » dit-elle en s'inclinant et se signant. « Pardon, pardon, mon Dieu. » Et Dimitri poursuivit sa route. Le matin de ce même jour, les barons du conseil demandèrent à être introduits chez la reine. Elle les reçut avec une contenance froidement convenable et avec une dignité qui leur en imposa. Il n'y avait plus rien en elle de la jeune fille passionnée, s'oubliant dans l'excès de son délire jusqu'à jeter sa couronne loin d'elle. Elle la portait alors avec une assurance qui rappelait la devise des rois lombards. Sa pâleur, qui était extrême, ajoutait encore à l'austérité de son maintien et semblait dire, à ceux qui avaient fait couler ses larmes, « Vous paierez cher les douleurs que vous m'avez causées. » Domeslas lui-même, le chef du parti lituanien, cet homme qui, quelques heures avant, insultait une jeune fille en larmes, baissait maintenant les yeux devant une souveraine de 16 ans. « Mes seigneurs, dit Edwige, avant qu'aucun des barons eût prononcé un mot pour lui annoncer l'arrivée de Jaglon, ce qui eût été une insolence qu'elle aurait été obligée de punir. « Mes seigneurs, le grand-duc de Lituanie a voulu nous surprendre, et j'apprends à l'instant qu'il doit arriver ce matin même. Il ne faut pas qu'il nous trouve en faute, malgré le peu de temps qui nous reste. Dimitri, ajouta la reine en se tournant vers le grand trésorier, qu'elle accueillit d'abord avec un sourire triste et doux, dans lequel se trouvaient bien des pensées. Dimitri, vous logerez le grand-duc dans votre palais, et vous veillerez avec Niévoz à ce que tout autour de lui soit magnifique et royal. Il ne lui faut pas faire regretter les forêts de la Lituanie. Ce discours, prononcé d'une voix grave, mais ferme et assurée, produisit un effet merveilleux qui n'était attendu ni par le parti lituanien, ni par celui de la reine. Dobeslas murmura quelques mots qui expirèrent sur ses lèvres en rencontrant le regard d'Edwige. Il y avait une telle expression de mépris et de haine que le castellan abaissa sa paupière sous le glaive de feu qui partit de l'œil de la fiancée de Guillaume. « Assassin ! » murmura-t-elle à son tour. Et se tournant vers les autres castellans et les seigneurs du parti lituanien, elle leur parla avec fermeté et avec cette dignité, toujours convenable dans un souverain, mais admirable dans une femme, surtout quand elle est belle, qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle porte une couronne. « Que tout soit donc convenablement ordonné, » dit Edwige en se retirant dans son appartement intérieur. Et elle laissa la députation, confondue de trouver une souveraine là, où d'après ce qu'ils avaient vu 2 jours auparavant, Il devait s'attendre à voir une jeune fille insensée. « À présent, » dit-elle en rentrant dans son oratoire et se laissant tomber au pied de la croix, « à présent, le sacrifice est consommé. Mon Dieu, force et courage, et je vous servirai. » Elle s'agenouilla et pria. Quelques heures après, les murs de Cracovie retentissaient du bruit des instruments guerriers de la troupe de Jaglon, et lui-même faisait son entrée sur un magnifique cheval tartare d'un noir de jais, dont le harnachement étincelait de pierreries. Le grand-duc de Lituanie était vêtu simplement, mais sans affectation. Il était bien. Sa figure était non seulement un peu longue, mais ses traits étaient agréables, quoique sérieux. Jaglon marcha lentement depuis la porte de la ville jusqu'au palais de la reine, où le grand-duc voulait aller directement pour lui rendre hommage sans prendre aucun repos. Le peuple était dans l'ivresse, et la manifestait par des cris de joie qui parvenaient aux oreilles d'Edwige et jetaient dans son cœur une nouvelle douleur. Il lui semblait entendre le chant des funérailles de Guillaume. « Ah !» se disait-elle, « c'est ainsi qu'ils auraient accueilli Guillaume s'il eût été leur roi. » Et son cœur battait violemment à la pensée de l'entrevue dont le moment approchait. Le cortège de Jaglon était magnifique. Il se composait des grands seigneurs lituaniens qui consentaient à recevoir le baptême en même temps que leur prince. C'est avec cette noble suite qu'il arriva au pied du perron royal du château. Là, il fut reçu par Gniebos, vice-chambellan, qui le conduisit avec Dobeslas, castellan de Cracovie, jusqu'à la salle du trône où l'attendait Edwige, magnifiquement parée et entourée d'une foule nombreuse de jeunes et jolies femmes qui composaient sa cour, telle que devait l'être celle d'une souveraine âgée de 16 ans et l'une des plus belles personnes elle-même de son temps. Lorsqu'elle se leva de son trône et descendit 2 marches pour aller au-devant du grand-duc, il demeura comme éperdu devant cette vision d'une céleste créature, comme jamais ses rêves ne lui en avaient offert le modèle. Il ne retrouvait même plus l'original du portrait informe qui lui avait été montré. Ce qu'il voyait, ce qui était devant lui, ce n'était pas une femme, c'était un ange parfait dans toutes ses beautés. Jaglon voulut parler, sa langue fut muette, et il ne put que tomber à genoux, prêtant 6 fois et hommage à celle qu'il venait demander pour épouse. Edwige le reçut avec une dignité gracieuse qui acheva de le subjuguer. Il renoubla toutes les offres faites par son frère en y ajoutant tout ce qui pouvait les faire agréer d'Edwige. Comme il s'inclinait sur la main qu'elle lui tendait pour le relever, il lui dit à voix basse « Puis-je espérer, madame ?»« Je vous ai reçu, monseigneur, » répondit Edwige à haute voix et avec une dignité froide qui contrastait avec son frais et gracieux visage. Le grand-duc la regarda avec étonnement. Cette bouche rosée semblait n'être faite que pour des sourires d'amour et non pour de graves paroles. La journée fut remplie par des jeux et un grand souper d'étiquette, où la reine mangea seule sous le dais, ayant le grand-duc à sa droite et les frères de Jaglon un peu au-dessous des 2 souverains. Edwige était rayonnante de beauté. Ses habits, dans cette journée, dit un chroniqueur, étaient d'une magnificence merveilleuse. Sa robe, faite de drap d'or, était brodée en perles d'Orient et en belles pierreries fines imitant des fleurs et des fruits. Sur sa tête était un voile, présent du roi de Perse, dont le tissu presque aérien, brodé d'or, ressemblait à une auréole entourant son gracieux visage. Ainsi parée, ayant sur la tête sa couronne de reine, toute brillante de diamants et de rubis, Edwige semblait la Vierge Sainte, ayant quitté une fête du paradis pour venir au milieu d'un de ses peuples préférés. La salle du festin était aussi d'une grande magnificence, et la table était royalement servie. Au milieu était une grande pièce d'argenterie, représentant un vaisseau ayant un mât, sous le haut duquel on voyait une sainte Edwige parfaitement imitée. Dans une partie du vaisseau étaient plusieurs oiseaux vivants qui chantaient, tandis qu'au-dessous du vaisseau était une mer dans laquelle nageaient des poissons dorés. Aux 2 bouts de la table étaient 2 paons, ayant tous 2 leur queue aux brillantes couleurs, tandis qu'à leur col ils portaient un écusson aux armes de la reine. On y voyait aussi le pâté de venaison si estimé des gourmands de cette époque, la hure tatouée et les entremets, friandises recherchées qui ne se voyaient alors que sur la table des grands. Derrière la reine, à portée de ses officiers, on voyait un beau dressoir, tout chargé de riches vaisselles d'or et d'argent, bellement ciselées. À côté du dressoir était le banc des musiciens, qui jouaient au nombre de 12, les uns de la flûte, les autres de la harpe, ceux-ci du hautbois, tandis que 2 jeunes filles chantaient quelques Noëls en l'honneur de Notre-Dame. Cette riche et belle salle, ainsi que la table du banquet, étaient éclairées avec des torches de cire colorée, les unes en blanc, les autres en beau vermillon. sur la table étaient quatre grands cierges en cire blanche, enjolivés de cantilles et peintures. Sur les murs de la salle étaient des sujets de chasse et de fauconnerie. Les sièges étaient couverts de riches coussins à la mode orientale, et devant le fauteuil élevé de la reine était placé un marchepied en ébène et en ivoire, incrusté en argent et d'un travail précieux. La partie inférieure de la muraille était couverte d'un de ces cuirs jaunes imprimés en or, production également flamande, et qu'à cette époque, on ne trouvait que dans les palais ou chez les premiers du pays. Telle était, ainsi que je viens de la décrire, la salle du banquet dans le palais de Cracovie, le 12 février 1382, jour de l'arrivée du premier des Jagellons dans la capitale de la Pologne. Le banquet fut long. Le couvre-feu était déjà sonné lorsqu'Edwige donna, en se levant, le signal de la retraite. Jagellon la quitta, éperdu d'amour, et résolu à tous les sacrifices pour obtenir non pas la couronne de Pologne, mais celle qui la portait. En rentrant dans son appartement intérieur, Edwige fut heureuse de se retrouver seule, et surtout de déposer cette couronne dont le poids faisait non seulement pencher sa tête, mais qu'elle achetait si cher le droit de porter. En la soulevant de sa faible main, elle se demandait si elle valait le sacrifice de toute sa vie de bonheur. Mais ce n'était pas à elle que je me suis sacrifié, mon Dieu, vous le savez. Edwige venait de quitter sa lourde et magnifique robe pour en revêtir une toute blanche. Et déjà plus libre, elle livrait sa tête à ses femmes afin qu'elle nattât ses cheveux pour la nuit, lorsque Thérèse vint lui annoncer un marchand de Bude qui, passant par Cracovie, s'était chargé d'une lettre de la reine de Hongrie pour la reine et demandait à la remettre lui-même et sans témoin, ayant à s'acquitter d'un message important. « Je ne puis le voir à cette heure, » dit Edwige, « qu'il vienne demain. » Thérèse revint avec la réponse que le marchand quittait Bude au point du jour et ne pouvait remettre son départ. Edwige hésita un moment. « Qu'il entre, » dit-elle enfin. « Mais demeure, » ajouta-t-elle en s'adressant à Thérèse, « et fais sortir tout le monde. » Thérèse renvoya tout le service de la chambre et introduisit le marchand de Bude. Il portait une de ces capes brunes qui faisaient l'habillement de la classe bourgeoise à cette époque. Son bonnet garni d'une fourrure très épaisse lui cachait presque entièrement le visage. Mais comme tous les voyageurs en portaient un semblable, Edwige n'y fit aucune attention, à peine même si elle le regarda. « Il y a longtemps que vous avez quitté Bude ?» lui demanda-t-elle. Mais avant qu'elle n'eût fini sa phrase, l'homme avait jeté sa cape et son bonnet, et il était à ses pieds qu'il embrassait en les mouillant de larmes. « Guillaume !» s'écria Edwige, et oubliant ses vœux et ses promesses, elle s'abandonna d'abord à la joie d'un premier moment de retour. Elle serrait son amant dans ses bras, le couvrait à son tour de baisers et de larmes, et ne pouvait que sourire à cet ami tant aimé, à cet être qui était sa vie. Mais ce fut cet amour même qui la rappela au sentiment de la position de tous deux. « Ah, malheureux, qu'as-tu fait ? » s'écria-t-elle enfin. « Mon devoir, » répondit Guillaume. « N'était-ce donc pas celui de mon cœur de te voir encore une fois ? De te demander une dernière fois à toi-même si c'est sans retour que tu as brisé nos liens ? Edwige, mon ami, ma fiancée, ce n'est pas de ton cœur qu'est sortie cette volonté qui nous sépare. Regarde-moi. Dis-moi si tu peux soutenir mon regard lorsque je te demande compte de notre bonheur à tous deux. Ah, tu pleures. Je le savais bien, moi, que tu souffrirais aussi. Eh bien, pourquoi souffrir ? Laisse la couronne à cet homme, viens avec moi. Je ne te ferai pas reine, mais nous serons heureux. » Et le jeune homme brûlait de ses larmes et de ses baisers les mains de la malheureuse enfant, dont le cœur se brisait lentement au son de cette voix aimée et dont le timbre avait suffi pour agiter son sang et le faire courir plus vite dans ses veines. En voyant l'agitation de son sein, en recueillant les regards d'amour qui s'échappent en traits de flamme de ses yeux pour se fondre en lui, le jeune homme voit qu'il est toujours aimé et il n'est plus malheureux. Il pleure, mais de bonheur. Il ne peut croire qu'Edwige soit ainsi cruelle à elle-même. « Viens, lui dit-il, quitte la Pologne, viens avec moi, tu suivras ton époux. Quelle voix s'élèverait pour nous arrêter ?»« Ah, tu me fais trembler en parlant ainsi, » dit Edwige, pâlissant à la seule pensée qu'on peut savoir seulement que Guillaume est à Cracovie. « Ne parle pas si haut, grand Dieu, les murailles ici peuvent nous trahir, et alors ?» Sa terreur lui montre en un moment les dangers qui entouraient le duc d'Autriche si les barons du parti lituanien apprenaient qu'il n'est pas sorti de Cracovie. Les paroles de l'évêque, celles de Dimitri, reviennent à sa mémoire et lui causent une terreur inquiète qui trouble sa raison. Elle conjure Guillaume de la quitter et de partir, de quitter Cracovie surtout, elle le supplie avec larmes de ne pas prolonger une entrevue pénible pour tous deux. « Ainsi donc, ma vue te fait mal ?» lui dit Guillaume avec amertume et les yeux pleins de larmes. Car en ce moment, l'homme fort et ferme dans sa volonté n'était plus qu'un enfant vulnérable au coup de toutes les douleurs. « Nous en sommes arrivés à ce point que la vue de l'un est pénible à l'autre, Edwige. Pour qu'une parole aussi cruelle soit sortie de ta bouche, il faut qu'elle soit venue de ton cœur, si cela est. Tu ne m'aimes plus, Edwige. Adieu. Ah » s'écria-t-elle en se jetant au-devant de Guillaume. « Je ne veux pas que tu me quittes avec une telle pensée. Moi, ne plus t'aimer, Guillaume !» Et la séduisante créature le pressait dans ses bras en attachant sur les siens ses yeux remplis d'amour et voilés de larmes, mais plus éloquents que toutes les paroles qu'elle pouvait lui répéter. « Si je ne t'aimais pas, Guillaume, reprit-elle, je n'aurais pas renoncé à toi. Il y a un mystère terrible dans notre destinée, mais il n'est pas dans notre amour. Je t'aime comme je t'aimais, ne m'accuse pas. Je te l'ai dit dans la lettre que je t'ai écrite hier. Je renonce à toi parce que je t'aime. Je ne veux pas attirer la colère de Dieu sur ta tête. » Dans ce moment, des voix se firent entendre dans le jardin au bas de la fenêtre. C'était la voix de Dobeslas qui faisait lui-même la première ronde de nuit. Edwige frissonna. « Écoute, Guillaume, dit-elle d'une voix tremblante, il faut que tu partes. Il le faut absolument. Et surtout, quitte Cracovie avant le jour. Me le promets-tu ? » Guillaume la regarda sans lui répondre. Il était pâle et tremblant d'une émotion subite qui venait de le frapper. Il tint longtemps ses yeux attachés sur Edwige, puis il lui dit lentement « Edwige, non seulement vous ne m'aimez plus, mais vous en aimez un autre. » Edwige leva ses yeux au ciel en joignant ses mains et dit seulement « Pardonnez-lui de me soupçonner, mon Dieu. » « Ah ! » s'écria Guillaume, « si je me prive de ma dernière, de ma seule consolation, c'est que je souffre au point de douter de toi. Mais je te juge d'après mon cœur, et moi, Edwige, jamais je n'aurais renoncé à toi quand la voix de Dieu même me l'aurait ordonné, même pour sauver ma vie. » Guillaume la regarda avec étonnement. Il ignorait entièrement les complots formés contre lui. Brave et même téméraire, il aurait voulu en connaître les auteurs pour les punir, et lui-même alors aurait amené la catastrophe qu'on voulait éviter. Ce qu'Edwige espérait, en accomplissant la volonté du pape et en suivant l'inspiration que Dieu lui avait envoyée dans la chapelle du Christ. Elle ne répondit donc rien à Guillaume à cet égard, et lui renouvela seulement la prière instante de quitter Cracovie. Mais son beau visage était si changé, ses traits, bouleversés par une douleur déchirante, offraient tellement l'image du désespoir, que Guillaume comprit qu'Edwige devait avoir une raison bien puissante pour agir comme elle le faisait. Il vit encore une fois, dans cette entrevue, combien il était aimé. Cette conviction arrivait à son cœur par toutes ses puissances de sentir et d'aimer. Mais en même temps, il sentait aussi ce cœur se briser, sous cette pensée qu'il voyait Edwige pour la dernière fois. Il s'approcha d'elle, prit sa main, voulut parler, et ne put que la saisir tout à coup dans ses bras, avec la force et le délire du désespoir. La jeune fille, trop faible pour lutter aussi longtemps contre son amour et celui de son amant, ne résista pas, et se laissant aller à lui, reçut ses innocentes caresses avec l'abandon de l'amour pur et d'une confiance entière en cet amour. Dans ce moment où elle prouvait à Guillaume combien elle l'aimait, elle crut qu'en effet, comme il le disait, ils pouvaient s'aimer et pourtant obéir à cette loi politique qui les séparait. La tête appuyée sur la poitrine de son ami, Edwige pleurait, tandis qu'il baisait ses cheveux, son front et ses joues pâles. Il sentait qu'il y avait un bonheur qui pouvait en effet exister pour eux, en dépit du sort qui élevait une barrière entre leurs deux destinées. Il y avait un mystère profond de la puissance de l'âme dans ces jouissances infinies, données et reçues par deux êtres jeunes, beaux et aimants d'un amour passionné, et qui cependant pouvaient défier les anges dans la pureté de leur bonheur. Dans de tels instants, Dieu laisse tomber sur ces créatures privilégiées un regard de bonté qui les rapproche de lui. Malheur à celui dont les lèvres souriront de pitié à cette croyance, peut-être imaginaire. Par quelle certitude la remplacerait-il ?